You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment. C'est 2017 dans tes oreilles avec un épisode d'Horror Gamer! Et oui! Épisode numéro 76, toi! Bienvenue à l'Horror Gamer Show, premier épisode de l'année 2017. Et c'est une full team qui est avec nous. J'ai tout d'abord avec moi Steven Lefrançois. Salut Steven! Ah, salut Sébastien, je suis en force pour affronter l'année 2017. Ouais, bon, ben on va t'en souhaiter une belle. Merci. Jeff, salut. Salut, comment ça va? Hey, c'est une année 2017. Une année 2017 qui va être super belle toi aussi, on te le souhaite. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas non plus. Bébé. Puis Vicky. Vicky. Oui, oui. Hey, elle aussi. Oui. C'est-tu en 2017 que ton resto va devenir une chaîne comme Guzzo? J'allais être choumé. Je sais pas, je penserais pas. Ah, j'ai, ben, vraiment, j'ai vraiment un atchoum sur le bord du nez. Ça va sortir dans deux secondes. Là, plus je vais tout casser. Tu vas t'éternuer en 2017. En fait, on a deux personnes qui ont des affaires qui sortent dans deux secondes aujourd'hui. Hein? Ah, t'as gueule. Non. On va pas là, Simon. On va pas là. Qui comprend? Qui l'a compris? Moi. Je pense qu'ils l'ont tout compris. Là. Non, pas moi. Ouais. Okay. La raison pour laquelle je ne resterai pas pour le show. oui, donc, oui, c'est ça. Moi, je ne serai que là pour l'introduction aujourd'hui, car c'est ça. Mon corps m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. C'est un dimanche que ça se passe. Hey! Allons dans les détails plus joyeux. C'est l'épisode numéro 76. On se fait un épisode spécial. Réadaptation et suite. Parce que plusieurs le savent. 2017, c'est pas mal là-dessus qu'on s'enligne. Quand on regarde les gros titres qui s'en viennent. On avait même parlé un peu à l'épisode de Noël, vite, je crois. Ouais, hein? Il me semble que oui. Oui, on avait regardé vite la liste, mais là, on va y aller plus en profondeur. Donc, on va regarder tout ce qui s'enligne pour l'année 2017, mais vraiment côté... c'est ça. Et voilà. Hey, hein? C'est ça. C'est pas juste de l'eau que je perds, c'est aussi mes mots. Hey boy, j'ai envie d'achever, je me sens plus cohérente que toi. Ouais, mais ça serait plus intéressant si c'était toi qui éternuais dans le micro que moi qui parle. C'est pour cela que je ne resterai pas tout le long de cet épisode-là. Mais hey, je suis vraiment content qu'on le fasse et que ce soit enfin le retour 2017. Juste vite comme ça. J'imagine que quand l'épisode va sortir, le site web va avoir été réparé. Et oui, Steven, à cause de sa mauvaise blague sur Anonymous, a fait en sorte que notre site a été hacké. En tout cas, je ne sais pas si c'est sa blague, si c'est la popularité du resto à Vicky et tous les followers bizarres qu'elle attire. Ou, Ces événements particuliers. Il y a des événements que tu fais qui... Coudonc, il y a du monde qui aime moins ça. Et puis, non, c'est pas JF qui a attiré ça. JF attire juste les bonnes personnes. À moins peut-être quelqu'un qui t'a fait chier sur une pièce, mais je pense pas. Donc, c'est ça, le site a été hacké. Puis, j'essaie de remettre ça. Je suis pas un pro là-dedans. Mais le but, c'est de tout récupérer et de rien perdre. C'est ça. Notre dernier backup date de août 2016. Fait que... On va essayer de ne pas avoir besoin de recourir à ça. On va essayer d'aller chercher tout ce qu'on peut et non ce backup. Ça serait dégueulasse. Honnêtement, y a-t-il une fierté d'avoir hacké Horror Gamer? Non, c'est niaiseux. Le WordPress n'était pas à jour. Puis la dernière version avait une faille. Puis souvent on est hacké dans ces cas-là, c'est, les sites sont hackés par des robots qui font juste faire le tour, puis ils regardent si un site a une version de WordPress qui a une faille de sécurité. Ils l'appliquent, puis c'est tout. C'est bien. Le site il est down, finalement. Le site est down, c'est que dans le fond, la base de données sur quoi tous les textes sont, elle n'est plus accessible. Donc, soit ils l'ont arrêté, soit ils ont changé le mot de passe ou quoi que ce soit. Fait que faut que je trouve un moyen d'arranger tout ça. Mais si vous écoutez cet épisode, ça veut dire que tout est arrangé. Donc, faut pas s'en soucier. On va juste essayer d'être plus vaillant côté mise à jour. Parce que c'est ça. Si on est en 2018, bon, on s'excuse du retard. Ouais, si l'épisode est genre, si on est en mars ou en avril, là, ouais, c'est ça, il y a un problème. Ouais. Si vous voyez notre site, puis c'est juste une série de textes avec des liens vers les épisodes, c'est qu'on a tout perdu, puis on n'a pas voulu tout se retaper. Ça, c'est vraiment dommage. Une belle page fixe avec juste des textes, télécharger l'épisode numéro, télécharger l'épisode numéro. Mais bon. Je pense que sur les iTunes et tout ça, on n'a pas rien perdu. Fait que les gens peuvent quand même écouter les épisodes, c'est ça? Hein? Yes. Je pense que oui. Good. C'est juste pour l'upload de prochain que ça va être compliqué. Mais c'est ça. Ça va nous donner un deadline. Je vais pouvoir regarder ça avec des collègues au bureau qui n'ont pas eu le temps encore de m'aider là-dessus. Hey, sur ça, je pense qu'on. À moins que vous ayez quelque chose à dire sur notre année 2017 qui s'en vient. Ben, je pense que ça va être pas mal ça. Le sujet de l'épisode. Ouais. Ouais. Non, non, notre ami 2017 en tant que podcast. La petite fille qui crie. La petite fille qui crie. Bon, la ben, qui veut faire crier la petite crie. Elle veut faire crier la petite crie. Regarde, tu vois, regarde, c'est pour ça la que. Je vais avoir une petite fille qui crie, puis vous ne m'entendrez plus. Bye, tout le monde. Eh bien, Sébastien n'est plus là. Fait que c'est Steven et Jeff et Vicky qui prend la relève de l'animation parce que nous allons animer tous les trois. Et on va commencer avec un gros morceau là parce qu'on va vaguer sur les grosses sorties de 2017 qu'on attend avec impatience ou pas pantoute sur les remakes, les suites ou les réadaptations, comme le disait si bien Sébastien. Et je me suis dit qu'on pouvait commencer avec un des films que moi, personnellement, j'attends quand même beaucoup et je crois qu'il va faire le plus jaser en 2017. Je dirais pas le remake, mais la nouvelle adaptation de It de Stephen King, qui va être réalisé par le réalisateur de Mama. Puis le jeune acteur, c'était... qui va être joué par Bill Skarsgård, que je le connais plus ou moins, en fait. Ouais, c'est ça. OK, le frère qui joue de... OK, oui, je le replace. Là. C'est le frère de celui qui joue dans True Blood. OK, mais toi, tu parles du clown? Oui, le jeune acteur qui va faire Pennywise dans le fond. Ouais, le Pennywise, le clown, en tout cas, c'est l'acteur qui joue dans Emblem Grove, une série originale Netflix. Exactement. Puis quand on regarde la plupart des réactions, les gens semblaient quand même contents du choix parce qu'on a l'impression qu'il va faire une très bonne job en Pennywise. Ben moi, personnellement, j'ai pas de haine envers ce remake-là. En fait, j'ai arrêté les haines avec les films qui tentent de faire des réadaptations ou des remakes parce que je me suis dit, gars, on verra, puis si c'est de la merde, mais c'est pas grave. On a le film original comme d'habitude, mais c'est que là, je veux dire, c'est adapté d'un livre. Fait que, tu sais, les réalisateurs peuvent faire des adaptations différentes sans que ce soit forcément un remake identique. Puis le film original, moi, je l'ai revu récemment, puisqu'il est sorti en Blu-ray. Puis je l'avais pas revu depuis très longtemps, pour ça, le cachera pas. C'est un TV movie, je veux dire, le film est rempli de défauts. Et si tu enlèves la performance de Tim Curry en Pennywise, il ne reste plus grand-chose, à part peut-être les petits moments nostalgiques avec les jeunes acteurs qui sont vraiment bons. Puis c'est pas mal les meilleures scènes lorsqu'on est dans les années 50 avec eux, puis on a vraiment du plaisir. Mais dès qu'on revient dans la partie adulte, ça tourne en rond, le casting est inégal, la finale est ratée. Moi, ça m'a un petit peu fait une douche froide quand je l'ai revu. Je me suis dit, ah, c'est quand même moins bon que qu'est-ce que j'avais en tête dans mes souvenirs. Puis je crois que les gens glorifient un peu trop pour qu'est-ce que c'est réellement. Puis c'est vraiment Tim Curry, je crois, qui fait en sorte que les gens trippent autant sur cette version-là. Ben, tu sais, moi, je t'aurais dit, toucher à Tim Curry, c'est un sacrilège. Bon, on a refait Rocky Horror cette année, fait que je pense qu'il n'y a plus rien de sacrilège rendu là. C'est vrai, là, tu sais. Moi, personnellement, entre Pennywise puis Dr. Frankenfurter, ben, le docteur remporte dans le rôle iconique que je verrais pas personne le jouer. Donc, je me dis, Pennywise, je suis capable d'aller avec quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai écouté les originaux, le téléfilm en deux parties cet été. Je l'ai réécouté, puis moi, au contraire, j'étais charmée. La première fois que je l'avais vu, j'avais trop d'attentes, fait que j'avais trouvé ça vraiment nul, puis long, puis c'est là que je voyais les défauts. Puis là, je devais le revoir pour faire participer à un podcast avec des amis. Et j'avais été enchantée par ma deuxième écoute parce que je m'attendais pas à grand-chose. Fait qu'il y avait plein de choses que j'avais vues, que j'avais pas vues la première fois. J'avais plus embarqué dans le suspense. Est-ce que ça me fait en sorte que j'ai pas envie du remake? Non. Mais on a quand même eu droit à 4 heures, là, si je me souviens bien, avec le premier film. Tu sais, parce que c'était un film en deux parties. Oui. Ça faisait à peu près 4 heures. Oui, ouais, à peu près. Là, on est dans un film à 2 heures, 2 heures et demie. C'est ça qui me fait plus peur. Ben, en fait, c'est parce que je sais pas s'ils vont décider de faire qu'est-ce qu'ils avaient dit de faire au départ. Parce qu'en premier, c'était pas le réalisateur de Maman qui devait faire le film. C'était Cary Fukunaga, qui est le créateur de la série True Detective. Puis il y avait vraiment comme... Lui, il voulait faire le film en deux parties. La première partie 1, qui serait juste la partie avec les jeunes tout le long. Puis la deuxième partie avec les adultes. Puis il y avait vraiment comme... le gros projet en tête, puis promettait que ça allait être une adaptation vraiment écœurante, puis tout était là pour vraiment avoir quelque chose de solide, mais les producteurs ont comme backé, ils l'ont crissé dehors, puis ont pris le réalisateur de Maman à la place. Est-ce que ça va être une partie 1? Est-ce que ça va être vraiment juste un film complet? Ça reste à voir, mais comme toi... Il n'y a pas eu de promesse au niveau de la longueur. Non, c'est ça, il n'y a pas eu de promesse, fait que... Personnellement, je trouve que ça serait plus avantageux de faire une partie 1 avec les jeunes puis une partie 2 avec les adultes, parce que j'ai pas lu le livre au complet, mais il a l'air d'avoir beaucoup de contenu, puis essayer de condenser ça en un film de 1h30 ou 2h, c'est pas assez, là. C'est impossible. Je l'ai lu, puis c'est impossible. Il y a trop de détails. C'est ce que je pense aussi. Il y a plein d'affaires qui sont pas dans le film de 4 heures, là, dans le téléfilm. Là, fait que, non. Mais tu sais, moi, je suis comme Vicky, tu sais, la performance de Tim Curry iconique, c'est Frankenfurter, puis ils l'ont faite, fait que tu sais, rendu là, Pennywise, ça me dérange pas, mais ça va être dur à battre, puis les photos de choses, je les aime pas, moi, personnellement, mais j'ai rien contre le film, c'est juste que j'aime pas les photos, je trouve pas épeurant du tout, mais on va voir, là. Il y a une photo, on va se le dire, là, c'est un mauvais Photoshop, là, c'est le tuyau avec le clown qui sort, là, mais on a vraiment l'impression que ça fait... Coucou! Du nouveau film, ça? Oui? Ouais. Okay, j'ai pas vu. Oui, il y a une photo, elle est mal photoshopée, là. Tu sais, ça a vraiment l'air d'un tête-à-claque, là. Tu sais, là, en un plan, là. Okay. Coucou! Je te l'envoie, Jeff, je te jure, là. C'est trop mal fait, là. C'est... Puis je suis comme, mais voyons donc plein de monde, comme sur les blogs, capotant un peu. Oh, wow, il me fait peur. Moi, j'étais comme, mais voyons donc. J'ai rien contre ça, mais cette photo-là ne devrait pas sortir. Tu sais, je dis la même affaire avec Rocky Horror pour encore parler de ça. Je trouve que c'est trop préliminaire, cette photo-là. Comme le Rocky, j'avais une bande annonce, j'avais dit que ça devrait pas sortir tout de suite, mais semble. Ouais. Il y a des choses qui filent préliminaires et cette photo-là ne devrait pas sortir. Puis, ça n'a pas de texture, ça n'a pas de... C'est vraiment un tuyau auquel on a rajouté un clown, là. C'est malaisant, là. En même temps, on est tellement trop habitué à l'image de Tim Curry en clown que c'est sûr qu'on allait être, peu importe l'acteur qui l'aurait fait, on allait être déstabilisé avec les premières photos du clown. Fait que je crois qu'il va falloir le voir en action puis attendre le voir dans le film avant de vraiment avoir une bonne opinion. Parce que c'est sûr qu'avec les photos, on va rester sceptique au départ. Là, on est trop ancré avec l'image iconique de Tim Curry. Là. Mais comme Steven, j'aime beaucoup la partie avec les enfants dans le film original, parce que ça va être dur à battre pour moi parce qu'ils sont tous bons, puis ils sont tous dans ma tête, ils sont tous identifiés à ces enfants-là pour moi. Là, je les vois tous. Quand j'entends les noms, Richie, Beverly, tout ça, c'est ces enfants-là. Fait, je vais avoir de la misère à accepter d'autres enfants, mais je suis prêt à les accepter. Puis je suis curieux de voir, pour un détail technique, mais je suis curieux de voir le film parce que ça a été tourné. Toute la section avec les enfants puis les flashbacks ont été tournés à 40 minutes d'ici à une petite ville qui s'appelle Port Hope en Ontario. Fait que je suis vraiment curieux. Je la connais, je suis déjà allé visiter une couple de fois la ville, fait que je suis curieux. Puis. C'est ça, non, je suis curieux. En fait, j'ai pas d'attente extraordinaire. Là. Tu sais, je courrais pas au cinéma le premier week-end pour aller le voir, mais je suis juste curieux éventuellement de le voir. Hein. Cool. Moi, je trouve même pas le. C'est loin dans Google, puis je la trouve pas. Fait qu'à mon avis, elle a été retirée du web. C'est sûr que c'était pas une photo faite par un fan ou. Non, ça c'était vraiment une photo officielle. C'est juste que c'était, comme dit Vicky, c'est très photoshopé, là. C'est cheap un peu. Là. Mais en fait, toutes les photos qu'on a eues de Pennywise à date, je les trouve cheap et très photoshopé. Ouais, fait que ça fait très artificiel. Je me tiens loin des photos de ce film-là parce que je les trouve pas belles jusqu'à date. Parce que là, présentement, je suis sur Google, puis ils sont pas tant pires les premières qui sortent, mais je trouve pas celle-là dans le tuyau. Fait que... Mais non, c'était vraiment. Moi, tout, je pensais que c'était un fan service tellement que c'était mal fait, puis je me suis informé, puis c'était officiel. Je disais, mais voyons, ils font pas ça de façon officielle, c'est gênant, là. Je trouvais pas, fait qu'à mon avis, justement, ils l'ont recaché. Ça les Sinon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Bon, ouais. Ben, je crois qu'on va enchaîner avec un autre gros morceau alors que Universal veut repartir une franchise sur leurs monstres à la Marvel Universe, mais cette fois avec les monstres de la Universal. Et c'est de Mummy qui va partir le bal avec Tom Cruise. Juste le fait de dire de Mummy et Tom Cruise dans la même phrase, ça risque de rendre les gens sceptiques. Moi, personnellement... J'ai pas de grosse attente. Lorsque j'ai vu le trailer, ça m'a beaucoup fait penser au film avec Brendan Fraser. Le film semble encore miser beaucoup sur l'action, avec un côté très film d'aventure, puis évidemment avec Tom Cruise qui va se taper encore toutes ses cascades à la mission impossible. Je pense qu'on risque pas d'entrer dans le pur film d'horreur, mais je sais pas, j'ai envie d'y croire, puis j'aime ça. J'aime l'idée d'avoir un Monster Universe avec toutes les créatures de la Universal. Je trouve que ça ferait du bien de revoir ça. C'est sûr que j'aimerais beaucoup que ça soit fait de manière plus sérieuse, plus dans le style du remake de Wolfman. Tu sais, je crois que c'était parmi les retours des créatures mythiques. Je crois que c'est un des seuls qui a vraiment voulu offrait un véritable retour digne d'un film d'horreur avec une ambiance gothique à la Hammer, avec du brouillard, de la brume. Puis le film a beau avoir été quand même un peu bâché, je trouve qu'il y avait quand même des intentions beaucoup plus honorables envers les films d'horreur que pour le côté plus familial que nous annonce The Mummy puis celui avec Brendan Fraser. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage, mais en même temps, je reste curieux, puis je suis un fan de Tom Cruise, fait que c'est sûr je vais y aller. Là. Moi, peu importe ce qui sort, d'habitude, je me garoche sur Tom Cruise. Mais c'est ça, en gros, je suis quand même curieux. Moi, je me demande comment ça fait partie de la catégorie remake, reprise, suite. C'est vraiment pas une histoire originale? Ben, je suis pas sûr que tu veux dire... En gros, moi, c'est juste, il essaie juste de faire une réadaptation du mythe, mais ils vont changer les choses. C'est comme là, cette fois, ça va être une femme qui va interpréter le rôle de la momie. Ouais, mais... Okay. Oui, c'est une réadaptation du mythe, mais je veux dire, c'est pas un remake d'aucun film, c'est pas une réadaptation. Non, c'est ça, mais il y en a beaucoup qui croyaient que c'était un remake du film de Brendan Fraser, parce que dans le trailer, ça a vraiment la même vibe, là. Fait que c'est un peu pour ça, mais c'est pas vraiment un remake en tant que tel, là. Ok, ouais, c'est ça, parce que moi, les photos que j'avais vues, j'avais pas l'impression que c'était un remake du tout, là. J'avais vraiment l'impression qu'on faisait un film de momie comme on fait un film de vampire, là. Non, exactement, il recommence à zéro, là. Ok. Mais il est-tu supposé agir comme Iron Man dans la série des Avengers? Et lui, est-tu supposé agir comme ça, genre le premier film d'une série, comme tu dis? Ouais, exactement, c'est vraiment lui qui va déclencher ça, comme The Russell Crowe, qui joue un des personnages dans le film, qui, si je me trompe pas, c'est lui qui va faire Dr. Jekyll. Okay. Et Mr. Hyde, puis t'es supposé avoir d'autres liens qui vont partir la balle avec d'autres films. Fait que dans le fond, tout va dépendre du succès de celui-là, j'imagine. Est-ce que les gens vont aller le voir? Ben, ça va dépendre si le film a une bonne réputation, s'il est bon. Mais moi j'aime l'idée d'avoir ça. Là. Ça, c'est une bonne idée. T'sais, ça, c'est une très bonne idée, comme tu dis. Moi, j'aime les films de Marvel justement pour ça, parce que j'ai l'impression qu'ils ont bâti un univers. Fait que si on réussit à me bâtir un univers, même si c'est des films de monstres, je vais embarquer. Là. C'est juste d'espérer que les producteurs n'ont pas juste l'idée en tête de faire du cash facile puis d'y aller avec le gros film typique blockbuster d'aventure action puis peut-être d'essayer de se forcer pour les prochains à nous offrir des films d'horreur. Tu sais, je veux dire, c'est fait pour qui ça? C'est fait pour les fans de l'horreur en tant que tel. Fait que c'est sûr que quand tu nous offres pas un produit qui représente nos attentes, c'est un petit peu dommage. Qu'ils veulent faire quelque chose à la Pirate des Caraïbes ou quelque chose de plus familial, tu sais? Aussi, mais... En même temps, est-ce que ça peut être bon pareil? C'est juste que en tant que tel, ça me manque la bonne époque justement de Bela Lugosi, les Frankenstein, puis Wolfman, c'est qu'on a écouté ou que c'est traité avec sérieux. Mais d'un point de vue financier, ils veulent peut-être attirer les parents puis leurs enfants dans la salle comme ils ont fait avec les Avengers. Moi, je connais beaucoup de mes amis qui sont avec leurs enfants, voir les films. Fait que peut-être que c'est ça qu'ils veulent faire avec ces films-là. T'sais. Mettre ça pas trop épeurant, juste assez, mais pas trop pour les enfants. Bon, on risque de rester tout le temps dans le PG-13. Ou à moins qu'ils fassent plein de films différents. Un peu comme au début, les Avengers, tu avais un film comme Captain America qui se passait dans les années 40. C'était un film de guerre, vraiment plus. Tu avais Thor qui était vraiment un film sur sa planète avec des dieux et tout. T'sais, c'était des genres un peu différents. C'était pas tout à fait le même ton tout le temps. T'sais. Mais c'est ça, tu sais, on est là à étiqueter souvent les films de super-héros comme des films familiales que tous les parents mènent leurs enfants vont voir les films de Marvel, mais honnêtement, il y a des films là-dedans, là, non seulement la durée, 2h30, mais j'ai pas l'impression que l'enfant va triper autant que devant un Spider-Man de Sam Raimi. Là, il y a des Marvel avec des thèmes plus sérieux qui j'ai pas l'impression qu'ils s'adressent forcément aux enfants. Là. Fait que reste à voir si Universal compte faire un peu la même chose avec ceux-là. Parce que je pense qu'un des prochains, ça va être Creature from the Black Lagoon. Puis moi, c'est un de mes films fétiches et favoris de la Universal. Fait que j'espère qu'il traiterait avec un peu plus de sérieux qu'un film familial avec de l'humour un peu boboche. Là, j'ai pas envie de voir ça forcément. Là. Ouais, t'as raison. Je sais vraiment pas comment attendre avec ce genre de film. Les films de monstres, là, soit ça passe, soit ça casse. Là. Gros à cause du CGI aussi, on va se le dire. C'est un film de monstre qui a trop de ça. T'es comme. Tu sais, moi, mettons, 300, je trouvais que ça passait. Je sais pas, il m'a emmené dans un univers où je le permettais. Mais il y a d'autres films que je fais. Oh my god, non, ça marche pas, tes affaires. Là. Sauf que ça vieillit vraiment mal. Réécoute 300, puis ça a vraiment pris une méchante claque, tandis que tu réécoutes justement les autres films de la Universal de. Plus théâtral, ben ça vieillit beaucoup mieux. Là. Tu parles des vieux films, là? Ouais. Hey, j'en mets au bistrot à tous les jours. Non, ça pas, non. Bride of Frankenstein, excuse-moi, mais je trouve pas qu'il a pris une seule ride, là, ce film-là. Je l'ai pas vu, celle-là, mais tu sais, je peux t'en nommer plein que j'ai vu, puis non, ça, non, il y en a plein que ça passe pas, là. Ben, ça passe pas pour qui? Pour un public qui aime pas les vieux films, mais je veux dire, pour les amateurs d'horreur comme nous autres, je trouve que personnellement, ce sont des films qui vieillissent quand même très bien. Mais les amateurs d'horreur comme nous autres, on est trop critiques. On va aller au cinéma pis on va chialer tout le long. c'est vrai! Ah oui. Je veux dire, ils peuvent pas faire ça pour les amateurs d'horreur parce que, un, les amateurs d'horreur comme nous autres, ils ont toutes leurs crise de films fétiches, là. Pis là, ils vont tout, que je suis la première à le faire, là, mais ils vont comparer tout le temps à leurs films à eux. Fait qu'ils vont se planter s'ils font un film pour eux autres. En plus, les amateurs d'horreur vont dans les festivals, ils vont sur Shudder, ils vont sur Netflix, ils sortent quasiment plus pour les films d'horreur, peu importe que tu leur sers. Là, les amateurs d'horreur, on leur donne, mettons, The Conjuring, puis tout ce que ça fait, c'est chialer en disant « The Exorcist, c'était plus épeurant ». Tu sais, c'est comme... Ils sont pris, là, s'ils veulent vraiment s'adresser aux amateurs. Là. Ils sont vraiment mal pris. Il faut qu'ils s'adressent à un public plus large, là. Ben, en même temps, les films que tu viens de mentionner, c'est des films qui ont des gros succès. Tu sais, The Conjuring 1, 2, Annabelle, toutes ces choses-là, ça a tout fonctionné au maximum au box-office. Là. Fait qu'en même temps, le public est quand même là. Ils n'ont pas forcément besoin. C'est pas des amateurs d'horreur qui vont voir Annabelle. Ben, la plupart des amateurs d'horreur, on va tous se taper pareil la plupart des sorties qui vont nous intéresser. Tu sais, je veux dire, The Conjuring, ça a un public large, mais je veux dire, les amateurs d'horreur, on a tous vu Conjuring cette année. Là. Oui, mais ça va le chialer. C'est eux autres qui vont donner moins d'étoiles, c'est eux autres qui vont le planter, c'est eux autres qui vont dire c'est de la merde. C'est ceux qui vont voir le Paranormal Activity 4, là. Je sais pas si j'ai sorti au cinéma, là, c'est un exemple. Là. C'est des kids, là. C'est des kids qui vont les voir, là. C'est pas des amateurs d'horreur qui vont aller voir Annabelle 2, là. Ben, en même temps, si tu parles d'un public vraiment qui, pour eux, l'horreur, c'est anodin, puis c'est vraiment juste comme, ben le mardi soir, on va aller voir le film d'horreur qui est en salle en ce moment à 5$, faut pas s'attendre grand-chose, là. Eux, tu vas leur servir un peu n'importe quoi, puis là... Mais tu sais, il est-tu dans ta liste? Voyons, j'ai perdu le nom. T'as un peu, il y en a un autre, là, il y a une suite de je sais pas quoi qui est sorti. Bon, on va en sûrement en parler, puis genre, pour vraiment. Ben, regarde, vas-tu passer à celle-là? Peut-être c'est lui que tu vas parler, mais il y a Rings qui. Non? OK. Parce qu'il y a Rings qui était supposé sortir au mois d'octobre. Tu sais, film parfait pour sortir durant le mois d'octobre. Puis pour une raison ou une autre, ils ont décidé de le balancer au mois de janvier. Puis après ça, ça a été au mois de février. Et est-ce moi, pour moi, que... ça ne veut rien dire de bon. Est-ce que tu penses, c'est sûr, ça c'est sûr, mais est-ce que tu penses qu'ils ont poussé la date de sortie de The Ring à cause de Blair Witch? Parce que c'est pas mal le même genre de public, à mon avis. Le monde a été saturé avec Blair Witch, peut-être qu'elle n'est pas embarquée dans The Ring. C'est une question, c'est pas une affirmation. Ben, je pense pas. Je veux dire, c'est pas pantoute le même style de film. De Blair Witch, c'est un fan footage, puis les gens ont juste automatiquement craché là-dessus, mais c'est surtout qu'en même temps... c'était beaucoup de monde qui ont détesté le premier Blair Witch. Fait que c'était déjà perdu d'avance que ces gens-là n'allaient pas voir le prochain Blair Witch au cinéma. Puis c'est déjà avec les critiques qui ont sorti que le film s'est fait démolir. En fin de compte, moi, je trouve que s'il y a bien un temps pour essayer de vendre le plus ton film d'horreur, c'est bien le mois d'octobre. Je veux dire, le monde sont dans le mood pour aller voir des films d'horreur. Puis le mois d'octobre qu'on a passé, il y avait fuck all au cinéma à part Ouija 2, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ouais. vraiment décevant. Fait, pour ma part, oui. C'était Décadence. Tu l'as Décadence. Dit? Il est dans ta liste? Oui, il est dans ma liste, oui. Ah, OK, on en parlera tantôt. OK, excuse, je t'ai coupé dans ton élan. Non, mais c'est juste ça. C'est juste que, moi, d'après moi, s'ils ont retardé Ring, c'est juste qu'ils ont vu peut-être une première version, puis ils n'ont juste pas été satisfaits, puis ils ont décidé de faire des reshoots. Ça n'a pas été mentionné. Mais pour moi, quand un film est retardé, ça veut dire que quoi qu'il te lâche, puis ils ont besoin de changer des choses. Là. C'est pas pour rien que ça se fait retarder, un film, là. Ah non, c'est sûr. À moins qu'ils aient peur de faire de la compétition avec un gros blockbuster ou de quoi, mais je veux dire, le mois d'octobre, c'était mort, on n'avait rien. Fait qu'il n'y avait aucune raison valable de retarder Rings. Non. De toute façon, pour être honnête, moi, c'est pas un film que j'attends. Pertinemment, je suis un gros fan du film original. Le remake m'a plu à l'époque. J'ai découvert, dans le fond, Ring avec le remake, comme la plupart des gens. C'est un film qui m'a foutu la chine au cinéma. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un excellent remake d'un film asiatique. Mais tout ce qu'on a eu par la suite qui est relié au Ring, c'était souvent de la merde. Que ce soit la suite américaine qu'on a eue avec Naomi Watts, c'était vraiment une suite de merde. Puis même les suites qu'on a eues japonaises qui étaient reliées aussi avec les Ju-on, la plupart du temps, c'était raté. Fait que, tu sais, je veux dire, on est rendu en 2017. Le G-Horror, tous les films de fantômes à la The Ring puis Ju-on, je veux dire, c'est passé de mode. Est-ce qu'ils essaient vraiment de repartir ça en ramenant ça? T'sais, on a Sadako versus Kayoko qui sort sur Shudder ce mois-ci. Mais je veux dire, est-ce que le monde a envie de réembarquer là-dedans? T'sais? Personnellement, je trouve que c'est un peu tard. Mais ça dépend. T'sais, encore là, si on veut attirer un public jeune, mettons, au cinéma, un film qui découvre les films d'horreur, ces flots-là sont nés à cette époque-là. Fait que les flots qui ont 15-16 ans, mettons, sont nés à l'époque de ces films-là. Fait que ils ont pas vraiment connu. Fait que, on peut partir une nouvelle vague, peut-être. Tout marche par cycle, souvent, puis tu vas... Mm-hmm. Tout va revenir, éventuellement. Fait que, je sais pas. Peut-être qu'ils veulent attirer un nouveau public, voir si ça va marcher, puis au pire, si ça marchera pas, ben ils vont laisser faire. Là. En tout cas, pour avoir mis The Ring 1 en pensant que l'autre sortira en octobre, là, ça a pas... Il y a pas grand monde qui faisait comme « Ah, oh, wow, The Ring, non, il est pas... Il est moins populaire que je pensais. » Moi, écoutez, je fais, ah, mais ça me fait plus peur que ce que je me souvenais. Je me souvenais de la scène du garde-robe, puis c'était pas mal tout. Mais non, je sais pas, la scène des chevaux, il y avait plein de scènes à suspense que j'avais oubliées. Mais le remake ne m'attend pas plus. La suite ne m'attend pas plus. Toi, JF? Non, ce nouveau film-là, mais je l'attends pas. Je le verrai peut-être un jour en fin de soirée sur Netflix ou sur Shudder ou peu importe, là, mais non, je suis pas... pas d'excitation. Mais tout le long de l'épisode, tout le long de cet épisode-là qu'on fait à soir, je vais probablement souvent sortir cette phrase-là, mais j'ai comme une écœurantite en ce moment du cinéma, fait que je vais pas au cinéma, rien, depuis... La dernière fois, je suis allé, c'est pour Rogue One, puis avant ça, ça devait faire 3 mois, je pense, j'étais pas allé au cinéma, fait que je suis comme... Je suis pas vraiment les films. T'sais, je vous écoute puis tout, mais puis si on parle d'affaires que je connais, là, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'excite. Là. En tout cas, on va voir pour le reste. Là. J'ai hâte de voir le reste de ta liste. Là, mais... ben, en même temps, ça y va selon tes goûts. Même si tu es ouais. écœurantiste, je veux dire, je pense pas qu'à la base, même dans un moment où tu es forcément bien, que tu aurais voulu voir Rings dans tes priorités. Là. Non, vraiment pas. OK. Mais ensuite, on avait aussi Vicky, celle-là qu'elle a mentionné. On va avoir finalement notre nouveau ça. Ouais. Legacy. Bon, ben ça, c'est des films qui, justement, sont vus par des ados. Des ados qui vont au cinéma voir les décadences, là. Ah, c'est quand du torture pense... porn, je veux dire. Tu vas là pour voir les... En tout cas, la plupart des gens qui vont voir ça, c'est pour les pièges, le gore, puis les twists qui font plus aucun sens. Moi, j'ai abandonné à partir de l'épisode 4. J'ai vu le quatrième film, j'ai comme fait... J'arrête, j'ai plus envie de continuer. Le scénario fait plus aucun sens, j'ai plus d'intérêt, puis moi... Ben honnêtement, là, le genre de torture porn, c'est plus pour moi. Je suis plus un adolescent qui est à la recherche du film le plus gore puis le plus crasse. J'ai eu en masse de doses avec mes films japonais des années 90. Puis, tu sais, on a eu notre passe, la grosse vague avec Eli Roth, puis c'est Hustle qui a entraîné plein de films de ce genre-là. Fait, moi, ça m'intéresse plus. Fait que le fait de ramener un décadence alors que j'ai même pas vu les suites, ça m'intéresse moyennement. Est-ce que ça va me motiver à finir finalement cette série-là pour dire que je l'ai vu une fois dans ma vie? Peut-être. J'ai essayé les autres volets. Ça fait très longtemps que je les ai achetés, mais j'ai pas d'intérêt à continuer ça parce que j'aime beaucoup le premier film. Puis à la limite, j'ai aimé aussi le deuxième, mais tu sais, le premier, c'est plus que juste de la torture puis du gore. Je veux dire, c'est un thriller à la Seven qui tentait d'apporter quand même quelque chose de plus. Je veux dire, il y a de quoi offrir, tandis que les autres, c'est on va se creuser à la tête puis on va écrire le scénario à l'improviste pendant le tournage puis essayer de trouver quel plus qu'on peut rajouter. Là. Moi, j'avais beaucoup aimé le 3. Moi, j'avais aimé les 3 premiers, je les avais beaucoup aimés. À partir du 4, ça a décliné pour moi. Mm-hmm. Je sais plus c'est lesquels. Moi, j'ai aimé le premier. J'ai vu 3, 4, 5, puis 6, je pense. Il y en a 7 en tout. Oui, il y en a 7. Bon, ben, j'ai vu 6, je pense. Mais je me souviens pas 4, 5, 6. Mon Dieu, t'es quand même rendu jusqu'à 6, ça m'étonne. Oui, mais je m'en souviens pas. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, il a fallu que je les écoute pour une conférence que j'ai donnée au Cégep. On parlait des films d'horreur en série. Puis j'ai écouté ceux-là parce que tout le monde, il y avait vraiment quelqu'un où je travaillais. C'est ça, c'est de shit, c'est bon, c'est bon. Là, j'ai écouté ça, puis je suis comme, mais c'est mal écrit, c'est mal écrit. Puis lui, il peut pas faire ça. Puis elle, non. Puis j'ai fait, mais. Tu sais, c'est vraiment fait pour les ados dans le sens où, tu sais, ados, c'est même pas juste un groupe d'âge. Je te parle d'une maturité cinéphile. Puis oui, je juge, mais il y a une certaine maturité à avoir avec la cinéphilie. Il y a des films que j'ai vus, j'avais 23, 24 ans, puis je les ai vus trop tôt quand même. Tu sais, ça doit vous être arrivé d'avoir vu un film que vous disiez, ben, je savais pas, mais j'étais peut-être pas assez mature pour ce film-là, alors que vous aviez 25, 26, 27 ans. Tu sais, ça se peut. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'ai l'impression que les décadences. Ben, t'aimes ça quand t'as une certaine maturité cinéphilique très de base, quand t'as pas vu grand-chose, quand, comme Steven disait, t'sais, t'as pas vu grand torture porn autre que les gros Hollywood qui sont mis, mais t'sais, qu'il y a pas de culture derrière ça, il y a pas de recherche, il y a pas de profondeur. Comme il dit, c'est du monde qui est à recherche, du monde qui sont à recherche de sensations fortes, comme il dit, t'sais. Mais c'est encore ça. Là, j'aime ça d'écouter une fois de temps en temps, mais moi, j'aime gros les slashers, là. Ouais. Fait que j'aime ça d'écouter une fois de temps en temps, mais je sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est l'hiver passé ou l'autre d'avant que j'en avais pogné une fille qui était kidnappée, là, ça s'appelait Captive, là, puis j'arrêtais pas de crier à quel point elle était conne. Puis, ouais. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a un certain point où tu peux plus accepter ce que les personnages font. Puis j'ai l'impression qu'avec les décadences, c'est ça qui arrive. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je ressens. Moi, je rajouterais juste là-dessus que de toute façon, moi, j'ai déjà fait le point, puis je le refais encore, mais je me lancerai pas dans un grand débat là-dessus, mais je pense que le cinéma d'horreur, de manière très large, de toute façon, c'est fait pour les jeunes. Puis je m'en rends de plus en plus compte parce que je vieillis, puis tu sais, j'approche de 40 ans, puis ça me travaille dans le cerveau beaucoup. Tu sais, je suis en train de vivre pas une crise de pas une midlife crisis, mais quasiment, tu sais, je suis tout le temps en train de penser à mon âge puis tout. Mais je remarque que je m'identifie plus pantoute à des personnages. Tu me dis, j'ai toujours adoré les Friday the 13th, mais ça fait longtemps que je les ai pas écoutés parce que je sais que je m'identifierai plus aux personnages, aux jeunes. Tu sais, je suis plus vraiment dedans. Là, j'ai hésité parce que j'ai pensé à d'autres choses. Parce que hier soir, j'ai revu le film Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Puis que j'adore ce film-là. Puis je m'identifie aux jeunes. Fait que ça fait aucun rapport, mon affaire, ce que je suis en train de dire. Mais quand c'est bien écrit, il n'y a pas de problème. C'est ça, ça va dépendre de la qualité aussi en même temps. C'est sûr que si tu parles de toutes les films qui s'adressent, tu sais, comme The Bye Bye Man qui vient de sortir là, je voyais juste le trailer, puis c'est une espèce de rip-off à la Babadook où qu'on va maintenant je disais, déjà là, dans la bande-annonce, je pouvais aucunement m'identifier aux jeunes, puis tu le vois que c'est un film fait à botch pour attirer un public naïf. Je pense pas que... Mais je veux dire, en général, le cinéma d'horreur, je pense, c'est pour traiter des peurs des jeunes, des peurs des monstres, des peurs des tueurs, des trucs comme ça. Puis quand tu vieillis, tu t'identifies moins à ça parce que, c'est ça, tu regardes tous les films de toutes les époques, là, puis c'est souvent des jeunes dans vingtaine, dizaine, vingtaine ou trentaine qui se font tuer dans les films, t'sais, les slashers, tout ça. C'est rarement qu'on va s'en prendre aux adultes ou c'est rarement qu'on va s'en prendre... Si c'est un adulte, ça va être Ralph dans Friday the 13th qui est un vieux fou, ben ça va être quelqu'un du genre, ça va être une... Mais tu sais, en général, la majorité des victimes, c'est des jeunes, tu sais, je dirais. Mais ce que tu mentionnes là, ça s'adresse plus aux slashers, justement, parce que je veux dire, t'as un paquet de sous-genres de films d'horreur où que les jeunes sont aucunement des vedettes puis que ça s'adresse pas à des jeunes. Je veux dire, The Babadook, pour moi, c'est un film qui s'adresse zéro à des jeunes. Oui, c'est une exception. Ben, je crois... Ouais, mais il y en a des tonnes d'exceptions d'abord, parce que je veux dire, à chaque année, on peut en voir des films d'horreur qui mettent pas en vedette des jeunes ou que t'es pas supposé t'identifier à eux. Juste si tu as 17-18 ans, là, je veux dire, même si tu es un gars dans la quarantaine, je pense que tu vas écouter The Fly de David Cronenberg, tu vas pareil pouvoir t'identifier à Abandon Mouche. Je crois que ça va surtout dans les choix que tu vas faire dans les films d'horreur au courant des années, parce qu'il y en a juste trop. Il sort trop de films, puis il y a une grosse partie des films que, justement, comme tu dis, s'adressent uniquement pour les jeunes et qui sont faits de manière maladroite. Mais si tu fouilles dans le petit cinéma indépendant puis plus recherché, je crois que c'est là, toi surtout, Jeff, tu vas retrouver ta touche. Tu sais, Sébastien a parlé de Under the Shadow, qui semble être aussi dans le même mood que Babadook. Je crois que c'est un autre film qui s'adresserait plus à toi. Ouais, il est sur Netflix, là, il est dans ma liste. Ouais, j'ai vu, moi aussi, je l'ai vu. Mais tu sais, je comprends ce que Jeff dit, dans le sens où moi, quand j'écoute un film d'horreur, souvent, je retombe en enfance. Je retombe dans un mode ado, là, j'ai mes bonbons, mon popcorn, puis ah, tu sais, j'ai cette fébrilité quand j'écoute un film d'horreur, slasher, ou tu sais. Ouais, puis quand c'est le fun, c'est le fun. Pas suspense. Comme le film des scouts que j'écoutais hier, tu sais, lui, ça fait deux fois que je le vois, puis j'ai du fun, puis j'ai l'impression d'être un ado pendant une heure et demie. C'est ça. Ça prend cette énergie-là, tu sais, il y a une différence entre une énergie d'ado bien compensée, bien mis en scène aussi, puis avec un film qui s'adresse aux adolescents parce qu'on sait qu'ils n'ont pas vu grand-chose, fait qu'on peut leur mettre des affaires qui ont été vues 100 fois au cinéma puis ils s'en rendront pas compte. Oui. En même temps, les personnages de Scott Guy, t'as pas besoin de t'identifier parce qu'en tant que tel, les personnages sont juste fun puis charismatiques, fait que t'as juste du fun avec eux, fait que c'est pas plus grave si, admettons, tu te dis pas « Ah ouais, moi j'aurais été le petit gros qui bouffe tout le temps puis qui se fait écœurer. » Le personnage auquel tout le monde s'identifie. Ouais. Puis, je vais jamais connaître ça, être le petit gros, moi. Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu cette chance-là. C'est pas une chance. C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai des amis qui sont minces comme toi, puis tout, puis qui grossissent pas, puis qui disent tout le temps « Ah, j'aimerais ça être plus gros, j'aimerais ça être... » Non, moi, je veux être plus mince. Ouais, mais il y a autant des problèmes de ce côté-là. J'étais encore plus mince que je le suis là quand j'étais au primaire. Puis ça m'arrivait des fois de me faire écœurer parce que j'étais le petit maigrichon. Fait que je me faisais dire toutes sortes de surnoms ridicules. Et ça peut être aussi chiant que quelqu'un qui se fait traiter de nom parce qu'il est trop gros. Ou, je suppose. Peu importe. Ça va dans les deux sens. Il n'y a pas vraiment de juste milieu, quasiment. Là. Mais juste pour finir sur Décadence, ben finalement, j'avais rien à dire. Là. J'étais en train de penser. Non, je l'attends pas tant que ça, Décadence. Je pense que personne ne l'attend vraiment, ce Décadence-là. Mais lui, il sort ça à l'Halloween. Ou on ne sait pas. Au mois d'octobre. Oui, parce que d'habitude, les Décadences, c'est à l'Halloween. Oui. Ouais, ils ont arrêté ça. Là. Ils ont vu que leur nouvelle machine, c'était les parlements d'activité. Fait qu'après ça, ils ont été avec ça. Puis là, ça marche plus. Fait que là, ils recommencent avec Décadence, j'imagine. Fait qu'après 5-6 films de ça, ils vont revenir avec les parlements d'activité. La nostalgie en horreur. Hein? Oui. Ça fait vendre en crise. Ça, c'est sûr. Non, mais tu sais, au lieu de se dire, on va essayer de recréer une nouvelle franchise ou d'y aller avec de la nouvelle. La nouvelle chair, ben non, on va essayer de ressortir les vieux squelettes du placard puis on va voir si la foudre va encore mordre à l'hameçon. Ah ouais, honnêtement. Et là, tout notre épisode parle de ça à soir. Oui, mais c'est parce que... Oui, mais c'est vrai, ouais. C'est insultant parce que le film dont j'ai entendu le plus parler en 2016 en horreur, c'est Don't Breathe. C'est ça, c'est comme ça s'appelle, là, de respect pas Don't Breathe. Mm-hmm. Puis, tu sais, je me dis, Chris, c'était pas un remake, c'était une nouveauté, c'était une création originale, puis vous avez réussi. The Conjuring, pour ne pas le répéter, c'est une création originale, vous avez réussi à faire sortir le monde. Pourquoi vous vous misez sur des hosties de remake? Oui. Je parle pas genre de hit, que ça peut être une bonne idée, je te parle d'un huitième décadence, c'est ça, je veux dire. Un quatrième de Ring, y'a-tu quelqu'un qui l'a demandé? Y'a-tu quelqu'un à quelque part sur Reddit qui a demandé ça? Parce que moi, y parler. Je penserais pas. Mais en même temps, je dis pas ça pour The Ring, parce qu'il a l'air d'avoir quand même plus de budget quand tu vois la bande-annonce, mais tu sais, je veux dire, un décadence, j'imagine ça doit pas coûter grand-chose, fait qu'ils essaient de faire le plus d'argent possible avec un budget plus restreint. Pour eux, les parlements d'activité, c'était un coffre au trésor. Là. Ça coûtait quoi, 15 000 $? Non, le premier coûtait 15 000 $, mais mettons, je sais pas, 1 million, 2 millions, faire les suites, puis ça rapportait à coûter 100 millions, fait que tu sais, ils misent vraiment plus là-dessus. Puis moi, ben, je l'ai dit puis je l'ai redit, mais je pense qu'il aurait dû sortir Hush au cinéma. Puis des films qui font des buzz d'un festival comme Train to Busan, des trucs comme ça, tu sais, les sortir à grand déploiement, pas juste dans un deux théâtres, là, mais grand déploiement partout, là, tu sais. Au lieu de sortir des suites, comme on dit là. Je veux dire, tu fais Train to Busan, tu fais une traduction, tu prends la traduction de la France comme ils font souvent, puis tu fais ça, tu fous ça dans les salles. Je suis pas mal certain que ça va fonctionner au bout. La plupart des gens qui ont vu le trailer de Train to Busan veulent voir le film. Je veux dire, tu fais un bon marketing avec ça, il n'y a aucune raison que ton film ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Le monde ne va même pas aller des sous-titres. Je comprends pas la business en ce moment. Je comprends pas comment est-ce qu'ils réfléchissent, les studios. C'est vraiment bizarre. T'sais, regarde juste le Before I Wake de Mike Flanagan, qui s'est fait repousser, puis il s'est fait domper dans les tiroirs. Après, il a été piraté. Mais il est correct là, en ce moment. Là, je pense qu'on peut le voir. Oui, mais juste au Canada. Okay. C'est une sortie exclusive au Canada. Fait, aux États-Unis, eux, s'ils veulent le voir, ben, ils n'ont pas le choix de télécharger ou de le faire porter. Mais tu sais, comme toi, je comprends juste pas le marketing. Puis on dirait que les seuls qui comprennent comme il faut, c'est Netflix. Parce que Netflix, eux, ils prennent des chances. Ils donnent un budget à une équipe asiatique. Tournez votre film asiatique dans votre coin, puis ramenez-nous le film, puis on va le mettre sur Netflix. Tu sais, ils osent, puis c'est comme ça qu'on a justement des petites merveilles sur Netflix. C'est des mardes aussi. J'ai écouté la dernière exclusivité Clinical, que je trouvais intéressant. Ça avait l'air d'un trailer psychologique horrifique, puis c'était vraiment mauvais. Et en même temps, ça arrive de se casser la gueule, mais je veux dire... Juste avant, ils en ont fait un autre là, avec des fantômes. Non, moi, je l'ai aimé. Je suis la fille qui se promène, c'est comment ça s'appelle? Là, I am the... The Fake Believe de je sais pas quoi, là. Oh, oui, avec le long titre, là. La fille de... Ouais, c'est ça. Mais c'est juste parce que ça a été démontré que quand ils l'ont sorti, ils ont donné faussement des 5 étoiles. Fait que le film, il a eu full de 5 étoiles sur Netflix à sa sortie. Mais quand tu regardais toutes les critiques d'utilisateurs, c'était des 1 étoile. Fait que tu sais, ils ont comme réussi à gonfler le 5 étoiles. Ouais, je comprends. Que quand tu cliques dessus, il y avait 5 étoiles, mais dès que tu allais dans les avis, c'était que du 1 étoile. Là. La moyenne, c'est pas à 5. Là. Fait que c'était comme, OK, ils ont vraiment boosté pour que ce film-là passe, puis ça n'a pas passé. Puis maintenant, là, tu le trouves quasiment plus. Hein. Il est dur à retrouver. Il est encore là. The pretty thing that lives in the house, ouais, tout comme ça. Ouais. Mais en même temps, c'est un film qui s'adresse tellement à un public restreint. Je veux dire, c'est vraiment pas pour tout le monde. J'imagine, moi, le gars qui s'intéresse aux films d'action, qui regarde ça, aux films d'horreur d'action, tu sais, puis qui regarde ça. C'est ça, tu sais, le gars, il s'abonne à ça pour avoir Daredevil. Ben, disons, Steven, il a aimé les deux, je pense. Ah oui, j'adore. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, puis il est dur, là, maintenant, dans la section horreur, il est vraiment dans la dernière ligne, là. T'as fait 10 lignes avant d'arriver à lui, puis j'étais comme, oh boy, OK. Mais pour dire. Tu t'es peut-être planté, mais ça t'a-tu coûté si cher que ça? Non? Ben c'est sûr que non. Je veux dire, c'est un petit film indie. Je veux dire, ça n'a pas dû coûter grand-chose. Fait que c'est pour ça que Netflix permet de donner plus de liberté à des réalisateurs. Là. Ouais. Mais comme dit Jean-François, Hush aurait mérité amplement une sortie cinéma. Ce film-là, il devait être vu en salle. Là. C'est vraiment dommage. Puis je dis ça, puis en même temps, ben, je repense à toutes mes expériences cinéma, puis à tout bout de champ, le monde, ils font du bruit, puis ils sont dérangeants de plus en plus. Puis tout. Puis je trouve bien de l'avoir vu dans mon salon, finalement. Ouais, à minuit le soir tout seul, tu sais. C'est ça que je me dis, mais quand le film est vraiment haletant, je crois que peu importe le public, ça peut fonctionner. Puis j'ai eu la preuve avec Don't Breathe. La première séance que j'ai été le voir, la salle, la moitié, c'était des ados. J'étais comme, oh non, ça va me faire un Conjuring 2. Honnêtement, pas un son sur 1h30 de film. Tout le monde était crispé sur leur siège. Puis honnêtement, je pense que c'est la première fois que j'ai vu des ados vraiment pas faire un son durant un film d'horreur. Puis je me dis, crime! Ça peut, ça se peut, faut que le film soit bon. C'est pas pour rien d'abord que les ados ou les jeunes chialent ou parlent durant justement un Blair Witch ou un Annabelle ou ces choses-là, parce que même s'ils sont jeunes, ils sont pas stupides, le film il est poche, ils vont pas rentrer dedans et aimer ça comme des poissons faciles. Ah non, puis c'est... T'sais, moi, j'ai des gens, on a mis un film qu'on n'avait pas le droit de mettre, fait que je le nommerai pas, mais il y a Jim Carrey puis Kate Winslet dedans. C'est pas difficile à savoir. On l'a pas nommé! Je l'ai pas mis! On sait pas où! Bref, il y a du monde qui sont partis, t'sais, en fait, c'est vraiment mauvais comme film. Là. T'sais, ça, c'est mauvais comme film. T'sais, fait que je veux dire, il y a un effort intellectuel aussi que les gens veulent plus prendre. Ben en même temps, on dirait que les gens veulent pas sortir de leur zone de confort. C'est comme, gars, ça et moi, ce que je suis venu chercher, je veux mon hamburger, je veux pas de ton steak, filet mignon, tout ça, je veux mon gros hamburger, puis je me fous du reste. Là. Fait que dès qu'il faut qu'ils sortent un peu de leur zone de confort, c'est un peu plus difficile. Tu sais, gars, Oculus, c'est un film qui a quand même eu une bonne sortie, puis qui sortait les gens de leur zone de confort. C'est pas le typique film de fantôme ou de miroir hanté, puis les gens ont juste pas vraiment accroché, là. Puis je parle vraiment du public non habitué à l'horreur. Là. Ouais, parce que mon chum, il a passé à super écran, puis il l'a écouté, puis il dit « weird », mais je suis pas capable d'arrêter. Ah, moi, j'ai adoré ça, Oculus. La magie de Film Flanagan. Mais tu vois, moi, le film avec Jim Carrey, je l'aime pas. Je suis un des seuls au monde. Ah, pour vrai? Oui. OK. Le film qu'on aime pas, là? Ouais, c'est ça. Faudrait que je le revoie, mais la seule fois que je l'ai vu, j'ai fait « bof ». Ça m'a pas vraiment impressionné. Ben, tu sais, la cliente, elle avait quand même, pour son dire, c'est tout à fait vrai, elle avait pas envie d'un drame, puis c'est lourd. Ouais. C'est très lourd. Il y a quand même de la comédie. Un petit peu de comédie. Mais tu sais, mon point, c'est pas d'être que ce film-là devrait être un chef-d'œuvre apprécié de tous, mais je veux dire, il y a, à partir du moment que ça sort de ta zone de confort. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi, si j'aime les comédies, puis tu me crises des films d'horreur, ben, je sais pas, là, je suis pas sûr, je vais apprécier et tout et vice-versa, là. Mm-hmm. Tu sais, quand là, c'est février qui s'en vient, là, tu mets des films d'amour, là. Mais pars tout sur un film indie, t'as pas le même public pantoute dans ta salle, là. Non. Non. T'as beau les convaincre. Non, non, c'est un beau film d'amour, même s'il est pakistanais. Ouais, il est pakistanais, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir Hugh Grant. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut réellement voir Hugh Grant? Je veux dire, il est plus là, cet acteur-là. Ah, ouais, il y a encore des gens. Ah, OK. Ben d'abord, on va y aller avec un gros nounours que lui est apprécié de tout le monde. Puis je parle de notre gros King Kong, Skull Island. La première bande-annonce qui avait sorti dans le temps du Comic-Con était vraiment badass. J'ai pas vu les affaires les plus récentes qui ont dû sortir, mais la première bande-annonce était vraiment badass, je trouve. J'ai pas osé voir les nouvelles bandes-annonces parce que, comme toi, j'ai vu l'annonce du Comic-Con, puis c'est vraiment badass, comme tu dis, mais j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel qui faisait très Apocalypse Nord, puis ouais. Le fait que ça se situe dans les années 60, on dirait, ça a l'air d'être ça, là. Moi, ça m'intéresse. J'aime le casting. Puis en même temps, je veux dire, il n'y a pas vraiment de problème à faire des suites ou des réadaptations de King Kong. Je veux dire, il y en a eu des tonnes. Puis il y a des manières de les faire de façon complètement différente. Fait que moi, c'est dans les gros blockbusters qui s'en vient d'horreur, si on peut mettre celui-là dans l'horreur, c'est un qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai tout le temps été satisfait la plupart du temps. Il n'y a pas de grande adaptation de King Kong que j'ai pas aimé. Puis la version de Peter Jackson, quand j'étais le voir au cinéma à l'époque, j'ai vraiment trippé parce que tu voyais que c'est fait par quelqu'un qui est passionné, il respecte le matériel de base, puis il donne qu'est-ce que tu es venu chercher en venant voir King Kong. Je veux dire, t'en as en masse, puis t'as eu du divertissement à profusion, là. Tu dis que tu n'as pas beaucoup d'adaptations que tu n'as pas aimées. T'as-tu déjà vu King Kong 2, la suite du film de 76? C'était en 85-86. Je pense qu'il y a Linda Hamilton là-dedans. Tu parles pas. C'est pas avec Jeff. C'était qui déjà? Ça, c'est le film de 76. C'est King Kong tout court, ça. Ça, c'était un vrai remake du film de 33, ça. Okay, mais je te parle de la suite de ça. De celui-là. King to Alive ou quelque chose comme ça. Ouais, King Kong Lives ou King Kong comme ça. Ouais. King Kong Lives. Non, je l'ai pas vu celui-là. Okay. T'aimerais pas ça, je pense. Ok, tu parles. Ben, Son of Kong, le fils de Kong, fait après celui de 33. J'ai pas vu ça non plus. Ça donne peut-être que j'ai juste pas vu les mauvaises suites ou adaptations. Un peu comme Son of Godzilla. J'imagine que ça doit être le même genre. Là. Mais non, c'est ça, j'ai très hâte. Puis en plus, ça ouvre l'univers avec Godzilla. Ça va nous donner King Kong versus Godzilla éventuellement. Fait que ça, j'ai très hâte. Là. J'ai bien plus hâte à ça que les momies puis les Universal Monsters, personnellement. Là. J'ai plus hâte à cet univers de monstres-là. En même temps, je suis un gros fanatique de Gaiju, fait que j'ai une grosse préférence pour ça. Et si je me trompe pas, on avait, toi et moi, beaucoup apprécié le dernier Godzilla, tu sais, qui a quand même pas fait je l'ai pas des revu. Ravages. J'ai juste vu une fois au cinéma, je l'ai jamais revu, mais j'ai des bons souvenirs. Il y a ses défauts, Vicky... là. Il y a ses défauts, Godzilla. Oui, oui. Moi, c'est un de mes seuls Godzilla que j'ai vu, fait que j'étais full, sa petite tête. En même temps, j'étais conscient... que le film était pas très bon au niveau scénario, puis on s'attendait peut-être à plus, mais je veux dire, on n'a pas eu de Godzilla depuis des années, puis la dernière version américaine était tellement un désastre en termes de Godzilla que, je veux dire, tout ce que je voulais, c'était d'aller au cinéma puis vraiment voir Godzilla, avoir l'image de Godzilla, puis la première scène qu'on voit de lui dans l'aéroport, ça a fait mon prix du billet. J'étais comme, OK, j'ai eu la chair de poule, puis j'étais vraiment... content, là. Et moi, je suis un des rares qui a vraiment puis sincèrement du fun avec le film de 98. Mais je dis pas qu'on peut pas avoir de fun avec, mais faut juste que tu t'enlèves de la tête que c'est un Godzilla. Ouais, non, c'est plus un genre de Jurassic Park 2. C'est ça que j'essayais de dire. C'est mon seul et unique Godzilla que j'ai vu, parce que le dernier souvenir de Godzilla, qui est l'autre juste avant, je le mélange avec Jurassic Park 2. Ouais, c'est ça. Il y a des scènes, je sais plus si c'est une scène de Godzilla ou de Jurassic Park 2. Fait que c'est ça. Parce qu'il aurait dû appeler ça Iguana, ou je sais pas, une espèce de nom par rapport. T'sais, pourquoi appeler ça Godzilla si ça n'a absolument aucun rapport? Là? Parce que Iguana, c'est lettre en sacrément. Je sais pas. Mais là, je veux voir le Godzilla japonais qui est sorti l'année passée. Là. Oui, puis les reviews sont vraiment excellentes. Puis apparemment, c'est le meilleur Godzilla qu'on a eu depuis le premier, parce que c'est un Godzilla qui a des choses à dire, qui a beaucoup de critiques. Pis c'est la Toho, je pense, hein, oui. Oui, c'est la Toho qui l'a faite. Okay. Fait on devrait l'avoir, si je me trompe pas, d'ici février ou mars en Blu-ray DVD. C'est pas long d'abord, OK. Non, c'est pas long. Fait que à surveiller, moi aussi j'ai très hâte. Next. Sinon, non. Oui, next, ah ben, on enchaîne. C'est vrai, Vicky, pour parler de King Kong, non? Oui, c'est vrai. Regarde, moi, King Kong, je pense. J'ai jamais vu le vieux noir et blanc. Puis celui-là qui est sorti à Jack Black dedans. Je l'ai écouté à un moment donné à TVA, genre, comme 10 ans après sa sortie. Ouais. Ah, ça a mal vieilli, les effets spéciaux, ça, je trouve. Ah, c'est ça, fait que je sais pas. Mais tu sais, je trouve l'histoire plus enlevante, plus intéressante que ce à quoi je pensais. Mais, justement, les effets spéciaux, je serais comme ça un peu pas. Je te disais, Chris, justement, le premier Jurassic Park était plus crédible que ça, fait que... Ah, c'est ça, j'ai pas un rapport... Mais le problème, c'est qu'il aime... Peter Jackson, il aime tellement l'original, puis j'avais écouté le documentaire de 2 heures à l'époque qu'il avait fait, puis il aime tellement l'original, tu sais, ce qu'il a fait avec son film de 2005, c'est qu'il a pris l'original, puis qui dure juste une petite heure et demie, il l'a étiré sur 3 heures, puis en faisant plein de padding, puis toutes sortes d'affaires, puis c'est comme, au final, c'est long, puis c'est lourd un peu, tu sais, il est le fun, puis j'aime qu'il a rajouté la passe avec les bébites dans le genre de petite vallée de bébites, là, parce que ouais, ça, c'était supposé être dans l'original, puis la scène a été perdue il y a très longtemps. Okay. Mais ça, c'était une affaire que je voulais voir en CGI, mais ça a tellement mal vieilli à ce temps. Pis tout, t'sais, pis ouais. Le film est trop long, il est juste trop long. T'sais. Il l'aime trop, il vénère trop King Kong et Peter Jackson. T'sais. C'était un bon choix de lui de faire ça, mais en même temps, je sais que c'était son projet depuis longtemps qu'il rêvait de faire, mais je trouve que ça, quand t'aimes trop quelque chose, des fois, tu vénères trop quelque chose, ça donne quelque chose de mal. Hein. Je te dirais que toute la partie sur l'île, je me suis pas emmerdé une seule fois, le rip des haletants. Puis c'est à partir de la deuxième partie, plus molosse dans la ville, que c'est comme là, je trouvais que ça commençait à s'alourdir. Mais juste la scène des T-Rex, le combat là, qui a comme allongé. Puis personnellement, la scène, elle surpasse pratiquement l'original. Là. C'est une des meilleures scènes qu'il y avait dans le film. Puis au cinéma, tout le monde trippait dans la salle. C'était vraiment. Je crois que c'est un film qu'il faut voir. Oui, mais quand je la revois maintenant, en salle, mais aujourd'hui. J'achète de la tête, je pensais que tu allais dire que c'était mauvais, mais en fait, moi, quand je l'ai revu un peu cette scène-là, je suis comme, c'est mal fait, tu vois que c'est tout de l'écran vert, puis c'est. Oui, je sais que c'est du stop motion dans l'original, mais personnellement, j'aime mieux ça. C'est une question de goût, là, rendu là, mais. Ouais. Puis le monde me connaisse, là, j'aime bien les vieux films, là, mais j'aime mieux le stop motion, tu sais, en tout cas, peu importe. Ben, en même temps, je garde une préférence pareille pour l'original. C'est un film que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Fait que je respecte énormément ton goût pour mal, ça. Là, je sais que c'est pas un vrai singe. Là, mais ben, en même temps, c'est un des premiers films du genre. Je veux dire, dans les années 30, je veux dire, c'était du jamais vu en termes d'effets spéciaux. Là, eux, ils allaient voir ça au cinéma, puis c'est comme nous autres avec le dernier Avenger. Là, c'est comme des effets spéciaux incroyables. Ah oui. Sinon, pour enchaîner avec un autre gros morceau qu'on va avoir cette année, le nouveau Alien de Covenant de Ridley Scott, qui à la base ça devait être Prometheus 2, puis qui. C'est drôle dans ce projet-là, mais il semble qu'au départ, Ridley Scott il a dit gars, on va relier Prometheus à Alien. Puis après ça, moi, je laisse ça là. Je veux plus rien avoir avec l'univers d'Alien, puis je veux partir avec une nouvelle mythologie, puis m'en aller ailleurs avec Prometheus 2. Puis c'est devenu Alien Covenant, c'est vraiment un film 100% Alien. On dirait que son projet. Prometheus 2 a pris un peu le bord. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis probablement pas vraiment... quand il se présente devant les producteurs puis qu'il dit, gars, moi j'ai Prometheus puis Prometheus 2 puis c'est ça l'histoire puis tout. Les producteurs disent, ouais, qu'on va donner tel budget, mais si tu mettrais le titre Alien à la place de Prometheus, on va donner encore plus d'argent parce que ça va attirer encore plus de monde. T'sais. Fait que peut-être qu'il s'est dit, je vais avoir plus d'argent à faire mon film si j'appelle ça Alien que Prometheus. T'sais. Je sais pas, c'est ma petite théorie boboche. Là, mais... Est-ce que vous avez vu le trailer? Non. Non. C'est drôle parce que tu regardes le trailer puis ça fait très premier Alien. Fait qu'on a un genre de feeling de reboot, remake, mais en même temps, ça a l'air d'avoir une formule très slasher. C'est Sylvain Desmentis aussi qui l'avait mentionné. Tu regardes le trailer puis on dirait vraiment un slasher. Tu as même la scène de douche, de sexe, puis tu as l'Alien qui arrive de derrière. Là. Fait que moi, je sais pas trop quoi en penser, mais en même temps, j'ai pas un seul film d'Alien que j'ai pas aimé. J'aimais beaucoup l'idée que chaque Alien soit fait par un réalisateur différent, puis on reconnaissait la touche Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, le réalisateur d'Amélie Poulain pour le quatrième. Je veux dire, c'est tous des films qui se différencient, puis c'est ça que j'aimais. Je trouve ça un petit peu dommage que Ridley Scott revienne à la barre, parce que tout le monde est excité, mais moi, j'aurais aimé ça, un autre réalisateur qui amènerait aussi sa touche dans l'univers, tandis que là, j'ai un feeling de déjà-vu, puis ça me déplaît un petit peu, parce que c'est ça que j'aimais, la variété de la série originale, mais en même temps, je suis un fanatique de la créature puis de l'univers, fait que je suis quand même excité de voir ce film-là, puis j'essaie de rester confiant. Puis tu dis que ça ressemble à un slasher, mais le premier, c'est un slasher, fait que... Ben, c'est ça, en même temps, le premier, c'était déjà ça. Ouais. Moi aussi, je suis un étrange comme toi, Steven, qui aime les quatre films. Le 3, un peu moins. Puis non, j'ai pas vu la vraie cote, là. Juste, j'ai vu la série, là. Ça te ferait changer d'avis. Moi, j'ai vu le film qui est dans le coffret. Tu sais, je me dis, si c'est le film qui est distribué dans le coffret, c'est que c'est le film qui devrait être vu. C'est mon opinion. Bref, mais je suis comme toi, j'ai aimé les quatre. Tu sais, il y a eu une grande haine aussi envers le dernier volet. Puis j'étais comme, ben non, il est bon. Moi, j'aime bien le personnage de Winona Ryder aussi. Puis non, puis j'ai aimé Prometheus aussi. Fait que peut-être parce que je suis pas assez fan, tu sais, intense. Tu sais, je suis plus pragmatique envers ça. J'ai pas d'amour intense envers ces films-là. Puis tu sais, j'ai pas lu les BD, puis j'ai pas lu des théories sur l'univers étendu. T'sais, moi, ceux que je connais qui sont les plus protecteurs de leur alien, c'est que, tu sais, ils ont des théories sur les univers étendus, puis quand tu fais telle affaire, t'es tel genre d'alien, puis quand t'es... Tu sais, moi, je me suis fiée aux films, puis j'aime les films, puis je passe un bon moment avec les films, fait que moi, voir Prometheus 2 ou Alien Covenant, ça m'intéresse, parce que j'aime cet univers-là dans l'univers du film, j'aime Prometheus le premier, j'ai aimé le mystère, j'ai aimé le film, j'ai aimé l'action... J'ai pas besoin de plus. Ben oui, il y a des personnages caves, mais on s'entend que maintenant, il n'y a plus de films qui n'ont pas de personnages caves. C'est rendu comme très rare, là. Parce qu'il y en a gros qui disait que les deux, dans le premier Prometheus, il y a comme deux scientifiques puis qui font de la cartographie, puis ça a l'air que c'est deux imbéciles, genre que... Ils disent que deux scientifiques se parleraient pas comme ça, mais maintenant, dans les films, à partir du moment où il y a de la science... Les gens s'expliquent tout. Ça a été ma seule critique justement sur le film Le Martien avec Matt Damon. Je disais, on est en train d'expliquer au boss de la NASA la gravité à l'aide d'une brocheuse. Tu as le droit de croire que le boss de la NASA comprend le principe de la gravité, puis j'ai pas besoin de prendre sa brocheuse sur son bureau pour l'expliquer. Il faut l'expliquer au public. Ouais, c'est le public. Exactement. Fait qu'on dirait que ça, j'ai comme laissé tomber ça. Tu sais, j'ai baissé les bras. Les films seront pas réalistes à ce niveau-là. À partir du moment qu'il y a de la science, il y a tout le temps quelqu'un qui va t'expliquer qu'est-ce qu'il fait, puis il va prendre un autre personnage. C'est sûr qu'il devrait prendre deux imbéciles qui prennent le boss de la NASA. Qu'est-ce qui est drôle, il y en a qui reprochent ça, le manque de réalisme des fois dans les discussions entre des scientifiques, ces choses-là dans le cinéma. Puis t'as Interstellar de Christopher Nolan, que lui, il a tellement voulu faire ça réaliste que lorsque les astronautes se parlent, ils se parlent vraiment en langage d'astronautes. Fait que des fois, tu comprends pas la moitié de ce qu'ils disent, puis là, il y en a qui chialaient. C'est comme, ben là, on comprend rien, on n'est pas des astronautes. Mais quand c'est pas ça, tu viens chialer que c'est pas assez réaliste, puis les astronautes diraient pas telle chose. C'est comme. Le premier Prometheus, là, c'est les critiques les plus négatives que j'avais lues. C'était vraiment concernant deux personnages de géologues, je sais pas trop. Puis, tu sais, ils expliquaient que telle roche fait telle affaire, mais entre géologues, c'est comme, tu t'expliques pas ça. Ben non, mais regarde, on est dans un podcast d'horreur où on s'explique les termes comme le cadrage puis la lumière. Fait que c'est, je vous dis, c'est comme ça. On finit toujours par surexpliquer nos points. Anyway. De toute façon, c'est de la science-fiction. C'est divertissement. C'est pas supposé être réaliste déjà en partant. C'est basé sur des choses qui n'existent souvent même pas. Fait que, tu sais, va là pour avoir du fun. T'sais, si tu commences à analyser chaque petit détail scientifique, à dire ça se peut pas, ben tu vas trouver ça long. Oui, mais les aliens ont beaucoup de puristes. Il y a vraiment des gens qui voient les aliens comme un univers à part entière, avec des livres, des BD. des théories, tu sais, des sites web de théories qui vont au-delà, puis sont comme, avez-vous vu dans ce plan-là, il y a telle chose de cachée? On l'a dit en hors d'onde, hein, je pense, en niaisant, qu'on parlait de Star Wars Rogue One. Moi, c'est le seul que j'ai vu. C'est le seul Star Wars, c'est le dernier qui est sorti. Puis, tout le monde dit, c'est parce qu'il faut que tu aies compris l'univers pour comprendre l'intérêt de ce film-là. Ça, c'est un autre débat, mais je trouve qu'Alien, c'est ça. C'est qu'il y en a qui disent, pour apprécier Prometheus, il faut que tu aies compris tout l'univers. Non, puis, quand tu comprends tout, tu l'aimes pas. T'sais, c'est ça. Non, mais c'est ça que je lisais, parce que moi, je m'étais full intéressée. J'avais lu full de revues. Puis, tu sais, des revues pré-show, où que c'est Ridley Scott, que c'est du monde qui analyse, qui ont hâte. Puis après ça, quand j'ai vu des revues de critiques, c'était comme, ouais, mais tu sais, quand t'analyses telle chose, ça se peut pas, parce que dans l'univers étendu, puis comme, on peut-tu se limiter à ce qu'il y a d'un générique à l'autre générique aussi, parfois? Ça me fait rire, moi, l'élément de, ah, ben si t'as pas écouté les autres films, puis tu comprends mal l'univers, c'est sûr que tu vas pas aimer le film. Non, je veux dire, j'ai fait écouter Star Wars épisode 7 à quelqu'un qui avait pratiquement rien vu les autres Star Wars, là. Hein? C'est celui-là que j'ai écouté? Non, c'est l'autre qui est sorti l'année passée. Puis je veux dire, la personne a trippé, puis il connaissait pas les personnages d'avant, Han Solo, tout ça, il connaissait rien, mais il a trippé le film. Enfin, je veux dire, si la personne trouve le film bon, puis qu'il a ses qualités, ses défauts, la personne va le voir, il n'y a pas besoin de comprendre l'univers. Je veux dire, Rogue One, là, personnellement, c'était... Je l'ai très bien compris, là. Mes critiques sont pas là-dessus, puis c'est un autre podcast, mais mes critiques sont pas sur l'univers dans Rogue One, là, tu sais. C'est ça que je veux dire, c'est le film de A à Z, là. Ben c'est ça, la seule chose qui va faire une différence avec Rogue One, si tu as vu les autres films, c'est qu'il y a des scènes qui vont te faire plus d'effet, puis tu vas avoir un côté nostalgique plus présent. Mais si tu n'as rien vu, c'est sûr que cet aspect-là ne sera pas présent. Est-ce que tu vas moins aimer le film pour autant? Non, si tu aimes le film, tu vas l'aimer pareil. Je veux dire, ça ne va rien changer pour ça. Je pense que d'après moi, la beauté de Prometheus, c'était justement que c'était une prequel à Alien, fait que je trouvais que c'était... t'étais pas supposé d'avoir vu les autres de toute façon, t'avais pas besoin d'avoir vu les autres pour comprendre le film, tu sais. Mm. Puis... et que j'aurais une communauté, parce que pourquoi j'en sais autant, c'est que moi, quand il est sorti Prometheus, je faisais de la radio à Saint-Félix, puis j'avais un ultra ultra fan qui était tout le temps comme dans toutes mes activités, puis il arrêtait pas de me parler d'Alien, puis il me parlait de la sortie de Prometheus, puis à quel point, jeu de mots, c'était un film prometteur, Prometheus. Mm. Hey boy. Puis tu sais, il y avait donc envie de me parler, puis quand le film est sorti, il dit, ça répond pas à ça, puis c'était censé répondre à ça, puis il y a pas ça, puis ça, puis j'étais comme, ouais, mais t'as vu à quel point qu'ils ont bien renouvelé la scène de la bébite dans le ventre? Ouais, mais ça, c'est pas important parce que telle affaire est pas répondue, puis là, dans telle scène, tu vois en arrière-plan, il y a telle bébite figée, mais elle devrait pas être figée, puis comme, t'es allé trop loin. Mais ça, là, des fans comme ça, il y en a dans tous les univers de science-fiction, dans tous les univers d'horreur, puis tu sais, des Trekkies, justement, des fans de Star Wars qui sont vraiment, tu sais, comme on dirait en anglais, anal, tu sais, qui sont vraiment, qui ont pas d'humour pantoute, là, tu sais, qui prennent c'est trop ça à cœur, là, tu sais. Tu sais, il y en a trop, là. Il est confronté à moi. Tu sais, la personne qui est comme hyper stricte, puis tu sais, qui regarde les plans, puis l'arrière-plan en disant, il y a une bébite là qui est figée. C'est vraiment ça qu'il m'a dit. La bébite là est figée dans le vaisseau, mais c'est pas possible parce que le froid, blablabla, blablabla. Okay? Puis là, t'as moi qui est comme, ouais, mais Charlize Theron est sexy. C'est comme, puis j'ai en train d'expliquer comme les formats, puis je suis comme, mais on s'en calisse. Ça, tu sais. T'es pas épuisé à un moment donné de parler avec ce genre de personne-là. Puis cette personne-là, y a-t-il une blonde? Maintenant, oui. Mais non, en fait, pour répondre à l'autre question, je suis pas épuisé parce que moi, je suis pas puriste. Fait que je trouve ça drôle. T'sais, lui doit être épuisé de parler avec moi. Moi, puis Steven, on a vu ta porte s'ouvrir derrière. Ah, c'est mon chien! Ok, ça fait vrai. Ça a vraiment fait bizarre. Ça faisait vraiment film d'horreur, là. C'était quelque chose. Mais, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais voir des films au cinéma, j'allais quasiment toutes les semaines, puis adolescent, je parle, début des années 90, j'allais voir tout ce qui sortait, puis peu importe que j'avais vu les films qui précédaient ou pas, tu sais, j'allais voir, mettons, le troisième ou le quatrième d'une série, puis je m'en foutais. À cette heure, je fais plus ça, à cette heure, je suis un petit peu rendu autiste, je pense, il faut absolument que j'aille vu toute la série avant d'avoir vu le film qui sort. Mais, tu sais, Alien, le premier que j'ai vu, c'est le 3, j'allais voir au cinéma, j'avais pas vu les deux autres. puis j'ai capoté, j'ai adoré ça, puis je savais pas, moi, tous les problèmes de tournage à l'époque, je savais pas que c'était David Fincher, c'était son premier film, anyway, je le connaissais pas. T'sais, j'ai adoré Alien 3. Après ça, j'ai vu le 2 puis, ou le 1, je sais pas dans quel ordre, puis je les ai tous aimés, sauf le 4, parce que j'étais à rendu quand c'est sorti, j'ai pas vraiment trippé sur le 4, mais il faudrait que je le revoie, là, j'ai pas... je suis dans la gang qui ont pas aimé ça, mais j'ai quand même pu apprécier après ça Alien vs Predator, Alien vs Predator 2, qui était pas bon, mais que j'ai trouvé du fun là-dedans pareil, t'sais. Puis... c'est ça, c'est deux séries des Predators et Alien que j'aime bien, que j'aime bien du fun avec ça. Puis Prometheus, j'ai eu du fun à voir un peu les origines de cette histoire-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, ça suit-tu Prometheus ou bien ça a rien, ça a plus rapport pantoute ou bien. Ben, on en retrouve le cyborg David, joué par Michael Fassbender. Fait que j'ai l'impression que ça suit encore, mais j'ai aucune idée où c'est que ça s'en va. Maintenant, je suis rendu très. Très dans ma bulle quand c'est le moment des sorties. Je regarde plus vraiment les trailers, plus les synopsis. Non, là, c'est un addon. J'ai vu celui d'Alien, mais j'essaie de rien voir quand je vais avoir un film au cinéma parce que je me suis rendu compte que mon appréciation du film est vraiment plus écœurante quand j'ai rien vu. T'sais, j'ai été voir Conjuring 2 au cinéma sans voir aucun TV spot, aucun trailer. Fait que moi, j'avais aucune idée des twists ou quand est-ce qu'un fantôme allait apparaître. Fait que j'avais beaucoup plus de suspense que me dire « Ah oui, c'est la scène dans l'annonce que la nonne va arriver dans la porte. » De toute façon, les trailers sont pas super bons en général. Ils sont mal faits. Okay. Sont vraiment s'il vous plaît, tout le monde, on recule et on réécoute Steven dire la nonne au lieu de la nonne. J'ai pas dit la nonne. T'as tellement dit la nonne! J'ai pas dit ça. T'as tellement dit ça! C'est pas moi qui fais le montage, c'est pas moi qui va le remettre. Puis Jeff, il est gentil, il va pas le remettre. Tu penses ça? L'épisode va commencer, la noune. Mais c'est ça, je trouve que les trailers en général sont pas super bien faits. T'sais, de trois quarts, ils te révèlent le film au complet. Ben, t'as tout le temps les estimes, même musique, les mêmes sons, les mêmes beats. Là, tout le temps les. Ou les maudits Red Band. C'est comme ça maintenant. Il y a tout le temps un Red Band qui sort avec toutes les scènes plus sanglantes qu'en temps normal, on verrait pas dans une bande-annonce plus traditionnelle. Là. C'est comme, Ouais. Mais ils ont tous les films d'horreur ou d'action ont tous le même son strident. Hi-poum, hi-poum, c'est comme ta gueule. La voix un peu arabe. Une espèce de corps de femme un peu arabe. Ouais. C'est comme si la simplicité pourrait plus avoir son effet. Je sais pas. Quand il y a eu le premier teaser pour le premier de Conjuring, là, c'était juste une scène. C'était juste la scène de cache-cache avec le tapement de main. Je veux dire, c'était en masse pour me donner envie de voir le film. T'as pas besoin de me sortir une bande-annonce dynamique avec du gros bruit et beaucoup d'action. Je veux dire, vas-y, la subtilité. Moi, je le dis là, depuis des années. Allez voir sur YouTube, là, tapez Spasmo trailer. Allez voir ça, là, c'est le meilleur trailer au monde. T'sais, ça donne le goût de voir le film, là, c'est incroyable. Je regarderai jamais probablement le film parce que je suis sûr que c'est pourri, ça peut pas être à la hauteur du trailer, je suis sûr. T'sais, mais c'est le meilleur trailer au monde, selon moi. Puis on en fait plus des comme ça. J'aimerais ça qu'on en fasse. J'approuve Jean-François, c'est un trailer assez mémorable. C'est épique. Spasmo. S-P-A-S-M-O. J'ai eu un petit blanc. Il y a un blanc pour deux lettres, un mot de cinq lettres. Bon, ben d'abord, on a terminé avec Alien, fait qu'on y va Pardon? As-tu une pause? Parce que ça fait une heure, voulez-vous mettre tout le temps? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est parce que vu qu'on fait pas un épisode traditionnel, moi, je suis tout à fait d'accord. Ben non, mais c'est parce que je suis bébé, puis mon chien aussi, puis quand elle est venue, c'est parce qu'elle veut que j'aille l'aborder. D'accord. Faut que j'aille border mon chien. Dernière ligne de l'histoire sur. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Bon, ben on est de retour après cette belle reprise métal d'un hit qu'on ne sait pas encore c'est quoi au moment de l'enregistrement. C'est soit Alléluia de Leonard Cohen ou totalement d'autre chose. Ou totalement d'autre chose. C'est ça. C'est un ou l'autre. Une toune ou 3 millions d'années de toune. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Vous le découvrez. Ben, vous l'avez déjà découvert là. Vous l'avez entendu. Fait que je repasse la parole tout de suite à Steven, parce que c'est lui qui a la liste des films. Non, j'ai la liste de la malédiction, les amis! Ah! Ben gars, je vais vous rassurer, on a quand même fait la plupart des gros titres attendus, fait que pour les... Je dirais pour la plupart qui va rester, on va passer assez rapidement parce que ce sont soit des séries minables ou que c'est des suites qui ne nous intéressent pas. Mais dans les gros titres encore, je vais mentionner... un projet mystère qui s'est dévoilé assez rapidement et que je crois qu'on a tous été surpris qu'il sorte aussi rapidement. Cloverfield 3. Je dis Cloverfield 3, mais le film n'a pas encore de titre. Ben, c'était God, Cloverfield Lane. C'était God Particle au début, je pense, le titre. La particule Dieu. Oui, oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Puis je pense qu'il a été repoussé. C'est plus en février qu'il sort, c'est plus tard, je pense. Oui, c'est plus tard, je crois que c'est c'était mois de mars ou avril, si je ne me trompe pas. Ah oui, aussitôt, je pensais que c'était vraiment plus loin, ok. Moi que je me trompe, j'ai pas remarqué. En tout cas, on n'a même pas encore le titre, fait que ça se peut fort bien que ça soit vraiment plus loin. Mais on avait eu Ten Cloverfield Lane en 2016, qui a été une grosse surprise pour tout le monde, parce que c'était plus ou moins relié à Cloverfield, on va dire. Mais... c'était vraiment un putain de bon huis clos qui était vraiment, vraiment excellent. John Goodman faisait... Ah, oh, ouais. Ah, qui était génial là-dedans. Oh, oui. En homme complètement instable. Puis la scène du baril d'acide est une des scènes qui m'a le plus mis mal à l'aise cette année. Là. Il est vraiment bon là-dedans. Puis les deux autres personnages du casting, Marie-Elisabeth Winstead. Winstead, qui est écœurante. J'adore cette actrice-là. Tu l'avais vu, Ten Cloverfield, je crois, hein, Jeff? Ben oui, je l'ai vu au cinéma. Oui, oui, c'est vrai, on avait parlé dans un Time Out. Ouais. Honnêtement, moi, je suis vendu d'avance d'avoir un univers à la Cloverfield où on va se transporter d'une histoire à une autre, que ça soit, tu sais, que ça soit relié, mais en même temps, que ça soit vraiment différent. T'sais. On peut plus ou moins dire que c'est relié, Ten Cloverfield Lane. Là, même tout ce qui arrive dans la dernière partie du film, c'est plus ou moins en lien. Fait que moi, ben, j'aime vraiment ça. Ça donne des possibilités. Tu peux imaginer que les créatures viennent du même endroit. Ce sont pas oui, pareils, mais tu sais, ça peut être une faune variée de créatures qui viennent de cette planète-là ou de cet univers-là, d'où ce qu'ils viennent, je sais pas. Là, mais... moi, je suis ouvert à tout. J'aime vraiment cette idée-là. Puis je viens de vérifier, mais le film sort le 27 octobre. Ah, ok, non, c'est vraiment loin, ok. Il a vraiment été repoussé énormément. Oh, oui. Je parlais la main devant la bouche, je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Oh, oui. J'ai vraiment parlé, genre, hey, vraiment, écoutez-moi pas un peu. Mais en même temps, qu'on ait déjà un autre volet de cette série-là en un an d'intervalle, c'est déjà. Ben, c'est bon signe que le deuxième a vraiment accroché, tu sais. Ça, ou en même temps, qu'il était vraiment déjà préparé. Là. Pratiquement que les deux films étaient en tournage de façon simultanée. Là. Mais je pense que lui, c'est la même chose que Ten Cloverfield. C'était un film qui était complètement autre chose, puis ils ont juste apposé le titre Cloverfield, puis rajouté des effets ou quelque chose au film, parce que c'était complètement d'autre chose, là, je pense, au départ. Dans le fond, ils vont prendre des scénarios qui traînent sur le comptoir, et mettre ça dans la série. Là. Puis lui, ça se passe dans l'espace, si je me souviens bien. Ah ben gars, vas-y donc, Jeff, t'as l'air d'en savoir beaucoup plus que moi parce que je me suis zéro renseigné là-dessus. Ok, ben je vais traduire vite le petit résumé que j'ai ici devant moi. C'est une découverte choquante force une équipe d'astronautes à bord d'une station spatiale qui doit à se battre pour leur survie alors que leur réalité a été altérée. C'est très différent. Hein? Oui, puis ça porte encore le titre God Particle / Cloverfield 3. Ça a l'air d'être un prequel. Comment ça? Ben, ça a l'air d'être enfant qui arrive sur Terre. Probablement, peut-être. Ouais, ça se peut. Hey, mais je ne sais tellement pas de Cloverfield Lane. Là. Je l'ai vu une fois, je ne savais pas à quoi je m'attendais. Je pense que je suis trompée en pensant que c'était carrément un autre film en plus, genre un film catastrophe, mais genre qui faisait froid. Là. Il y avait un film qui avait quasiment la même pochette, là, puis c'était genre un film catastrophe où il allait faire froid. Et je m'attendais à ça. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, bon, le film, je l'ai aimé, mais je m'attendais à rien avec Cloverfield le premier. Là. Fait que, tu sais, de me dire qu'il y a des suites, qu'il y a des séries, qu'il y a un culte, je suis comme, hé, Christy, OK, je vais embarquer dans la vague, mais je t'en recommande. Ben, en même temps, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une suite de Cloverfield. Fait que ça a juste. Ils ont fait encore le coup du marketing surprise avec 10 Cloverfield. Fait que, je veux dire, je pense que t'es pas tout seul à avoir cet effet-là, à se dire, ah, ouais, ça va devenir une série, puis ça va suivre. Ben, je sais pas, quand il est sorti, il me semble qu'il en parlait un peu de faire des suites. Ben, tu sais, le monde, il supposait peut-être qu'il pourrait avoir une suite, mais tu sais, ça s'est jamais fait. Fait que, quand le film est sorti en 2007, je parle 2007-2008, tu sais. Moi, je me rappelle qu'il y avait des discussions, tu sais, en ligne, mais tu sais, ça a jamais abouti à rien, là. Moi, j'aurais voulu voir une suite à ce moment-là, direct de ça, là, tu sais, mais... Ouais, mais... j'ai... Voir la créature aller faire un rampage ailleurs, là, tu sais, dans le monde, ou d'autres créatures, tu sais. Moi, j'ai juste que j'ai vérifié, puis pour être sûr, mais vraiment regarder... Cloverfield, le premier, a quasiment la même pochette que Day After Tomorrow. Oui, c'est ça. Quand t'as raté la vague des deux, t'es comme, hein, qu'est-ce qui est quoi? Ouh, OK, j'étais un peu mêlée. Fait quand j'ai vu Cloverfield, je m'attendais à l'autre. Fait que j'ai pas développé le culte, mais j'aimerais, tu sais, on dirait que j'attendais la vague de fret. Je suis comme, c'est quand qu'arrive le fret? Pourquoi il fait pas fret? Pourquoi il fait pas fret? Fait que je vais comme reprendre la série du début et je suis sûre que je vais l'apprécier davantage. Ouais. Mais en même temps, ça fait du sens que ben, ça pourrait faire du sens ce que tu dis, Vicky, que ça soit un prequel, parce que quand on regardait à la fin du premier Cloverfield, lorsque les deux personnages sont dans une grande roue, derrière, tu vois l'océan avec la plage, puis tu vois quelque chose tomber en bas du ciel. Oui. Tout le monde avait remarqué ça. Ça pourrait très bien être eux autres ou qu'est-ce qui arrive dans l'espace avec la créature qui tombe. Fait que, ça pourrait être intéressant, mais encore là. Je suis sûr que. Pas mal certain que J.J. Abrams va trouver une façon de tout relier ça dans l'histoire éventuellement. Là. Ce qui aurait dû être fait avec Prometheus. Parce que voyez-vous, dans Prometheus, il y a un acquis qui est. Puis ce il va qui aurait dû être fait avec Lost. Oui. Par exemple. Puis il va peut-être même pouvoir inclure sa créature de Super 8 là-dedans, là, dans Cloverfield. Éventuellement. Oh, encore là, ouais, ça serait possible ça. Mm-hmm. Mais ça, c'est un film avec des enfants. Parce qu'elle vient de l'espace, puis elle y ressemble un peu. Fait que... Puis il y a une créature qui ressemble à ça aussi dans un des deux Star Trek. Il y en a trois Star Trek, mais j'ai juste vu les deux premiers. Fait que... Il y en a une créature qui ressemble à ça aussi un peu. Mécanique, hein? Je me souviens pas si c'est mécanique. Il me semble que c'était une créature qui ressemble un peu à celle de Cloverfield. C'est pas compliqué. J.J. Abrams va relier tous ses films dans Cloverfield. Ça va tout finir sur l'île de Lost. Je veux juste dire que c'est ça que j'aimais, que ces bébêtes-là, c'est qu'ils sont très mécaniques. Ils n'ont pas l'air d'être faits en chair. Mais ils sont, je pense, en chair. Oui, mais pas tout. Mais pas tout, je veux dire, ils n'ont pas tout l'air. En bref, je trouve que c'est créatif. Mais à la fin de Clinton Cloverfield Lane, non, je pense que c'est moitié, c'est comme un genre de créature volante, vaisseau, je ne sais pas trop quoi, qui a l'air un peu... Ouais, c'est vrai, c'était weird. Mais la créature de Cloverfield en tant que telle, le film de 2007-2008, ça a vraiment plus l'air en chair, selon moi. Là. Ben, il me semble qu'il y en avait deux, genre, en tout cas. Est-ce qu'on a terminé avec les mystères de Cloverfield? Ben non, parce qu'il va en avoir un troisième. Sinon, dans les suites qui arrivent encore de façon, ben, je dirais pas inattendue, mais Insidious Chapter 4. C'est vrai, je suis rendu là-dedans, moi. J'ai juste vu le 1, fait que... Ouais, je pense que je suis perdu un peu. Encore une fois, Insidious ressemble beaucoup à un autre film avec un petit gars. Puis là, c'est genre Sky in the Sky, je sais pas trop. Puis là, c'est des aliens. Puis là... Ouais, c'est la formule de Blumhouse. Fait que tous ces films, tu retrouves toutes la même chose. Une famille dans une maison qui sont... Ouais, ben c'est ça, il y en a eu trois en même temps. Insidious... Sinistre aussi. Ouais. Fait que j'ai du mélange, tout. Arrêtez de faire des films pareils, Vicky est mélangé. Faut que tu dises ça à Blumhouse, là, c'est sa formule à lui, ça. Jason Blum. Arrête. Moi, j'avais adoré, comme tout le monde, Insidious à l'époque. C'était vraiment excellent. J'ai vraiment été refroidi par sa suite que j'ai moi, j'ai vraiment détesté. J'ai vraiment été déçu. J'aimais pas en toute la direction que le film a pris, qui était vraiment différent du premier. Puis le troisième, ben, c'est un genre de retour aux sources, mais qui n'apporte rien. On en revient un peu dans le style du premier, mais en nous racontant une histoire qui s'est passée bien avant celle du premier Insidious. Fait que le film n'a rien d'original. C'est pas James Wan qui l'avait réalisé. C'était Lee Whannell, son meilleur chum, qui avait quand même fait une bonne job. Et moi, j'ai eu du fun. T'sais, j'ai écouté Insidious 3. Ça allait fait la job le temps que ça a duré. J'ai eu ma dose de scare. Mais je suis pas excité forcément à l'idée d'avoir un quatrième. Je trouve que c'est une série finalement qui s'en vient inégale et qui n'avait pas besoin forcément de suite. Fait que... Poète-poète un peu, je dirais. Moi, détesté la fin du premier. Là. J'ai détesté la fin du premier. Ça m'a fait chier. Je voulais pas que ça allait là. Pas en tout. Fait qu'après ça, voir les autres, ça m'a moins tenté. Je croyais que des réseaux sociaux, ça les vantait gros. Je dis peut-être que... Tu sais, il y a peut-être quelque chose qui m'échappait. Fait que j'ai réécouté le premier pour écouter le deuxième. J'ai fait non, mais non, il n'y a rien qui m'échappe. C'est non, ça, non, j'aime pas ça. C'est pas un univers que j'accroche. C'est un univers qui fonctionnerait pour moi dans l'animé un peu, dans le Coraline. Tu sais, c'est un univers qui fonctionnerait là, pas dans ça. Je comprends pas trop ce que tu veux dire par Coraline. Ah, ouais. Ben, le labyrinthe de Pan. Tu sais, je trouve que c'est vers la fin. On nous amène pas là. Je trouve qu'on tombe là dans la fin. Ben ça, je vais pas dévoiler le punch, Steven. À moins que vous me permettiez de le faire. Hein. Je sais pas. Je sais pas non plus. J'imagine que la plupart des gens l'ont vu, Insidious. Ben, la fin, tu sais, ça se ramasse dans un univers parallèle. Oui. C'est celle-là? Oui. Bon. Mais j'ai trouvé que les bonhommes faisaient très labyrinthe de Pan, faisaient très Coraline, mais que c'est pas le début du film. Le début et la fin, c'est pas le même film. Tu m'avais amené là, pas à pas, peut-être, mais je trouve que le début du film, c'est un petit gars possédé, puis la fin du film, c'est des univers parallèles avec des démons. Parce que, sérieux, si ça avait été juste un univers parallèle avec des gens qui savent pas qu'ils sont morts, peut-être. Mais là, t'as un démon aussi, là, t'as une espèce de démon bouche, il me semble, hein? Ben, t'as un démon principal, mais je veux dire, Insidious, tout le long du film, t'as pas l'impression forcément que le petit gars est possédé. Ça arrive assez tôt qu'ils disent qu'il a quitté son corps parce qu'il a le même don que son père, qui peut se promener dans le monde des morts, si on veut. Fait que... Je sais pas. Non, c'est tout. Tu sais, il y a full de filtre rouge, puis. Non, j'ai vraiment détesté la fin. Non, j'ai vraiment trouvé ça mal amené, là. Moi, j'ai trouvé que ça allait. C'était deux films en un. Je m'attends pas à ça. C'est pas... Puis c'est pas une question de convention. Ben, peut-être aussi c'est une question de convention, mais je trouvais que les deux films s'emboîtaient mal. Mais le film s'emboîtait mal avec son début et sa fin. Moi, je suis coupable d'avoir rejeté un peu du revers de la main parce que quand je l'ai vu, après ça, le lendemain, je riais du film avec un de mes collègues de travail à ce moment-là. Puis on riait du monstre qui ressemblait à Darth Maul dans La Menace Fantôme. Puis il y a juste une scène vraiment que j'avais beaucoup aimé dans le premier. C'était une scène où ce qu'on voyait la créature derrière une porte dans une chambre d'enfant avec le bras qui s'allonge. Puis tout. Puis ouais. Ça, c'était épeurant. Mais sinon, le reste, j'étais comme. Non, j'embarque pas. Mais là, il faudrait que je le revoie. T'sais. Quand le 2 est sorti, je me suis dit, il faudrait que je regarde le 1 pour voir le 2. Puis je ne l'ai jamais fait. Mais je le ferai peut-être éventuellement. Je sais pas. Je trouvais qu'il y avait. Parce que j'aime les acteurs. J'aime Andrew Patrick Wilson. Patrick Wilson puis Rose Byrne, je les adore. Tu sais. Oui, tout à fait. Je suis curieux de voir où ça va. Okay. Je n'ai beaucoup entendu parler dans les podcasts du 2 puis du 3. J'aurais pas dû écouter ces podcasts-là, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Dans E-Site, Horror Gamer, Horror Web, tout ça. Il me semble que j'ai une bonne idée de quoi il ressemble, le 2 puis le 3, mais je les verrai peut-être un moment donné. En même temps, ce sont pas des films essentiels. Fait que je veux dire, ça la donne si tu les vois un jour, mais c'est pas des grands films non plus. Là. Mais ils sont tous les trois sur Netflix, je pense, les trois Insidious. Ça se peut-tu, non? Ils l'ont été, je pense. Le 1 puis le 2, je pense, l'ont été pendant un bout. Ouais, il me semble que oui. Il faudrait que j'en vérifie. Pas sûr. OK, je vais peut-être m'y taper éventuellement. Je suis curieux quand même de voir comment ça évolue. Là. Je fais tu viens de redire ton opinion. Je fais un petit parallèle, mais c'est vraiment niaiseux. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais il me semble que ça me fait un peu penser, cet univers-là, un peu à Silent Hill. Une petite affaire de rien, à cause de l'univers parallèle, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, sauf que Silent Hill, tu m'amènes là-dedans. Tu sais, c'est Silent Hill. C'était bon le premier Silent Hill, il me semble. J'avais vraiment beaucoup aimé le film. J'ai pas vu le. Tu m'amènes à quelque part. Ouais. C'est ça. Ok. Tu réagis pas, Steven. T'as pas aimé Silent Hill? J'ai apprécié quand même le premier. Je trouve que c'est pas une mauvaise adaptation des jeux que j'ai beaucoup joué dans ma jeunesse, là, contrairement au deuxième qui est affreux. Mais je comprends le parallèle que tu fais avec Silent Hill. Là, mais ouais. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur Silent Hill. Parfait. C'est bon. On est rendu où dans la liste? Suspiria, les amis. Sans doute un des remakes annoncés qui a fait le plus réagir, ben, comme la plupart des remakes dans le fond. Moi, c'est pas mon Argento favori, Suspiria, comme 90% des fans qui trippent vraiment Suspiria. Moi, c'est un autre, et j'ai découvert Suspiria vraiment sur le tard. Là. J'ai commencé avec Inferno, Phenomena, tout ça, puis j'ai vraiment pas vu Suspiria en premier. Je le respecte beaucoup, le film, je l'apprécie énormément, je l'aime pareil quand même beaucoup, mais je sais pas, j'ai pas de haine à voir quelqu'un d'autre venir faire un remake de ça, parce que je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça, surtout que c'est un réalisateur italien notamment qui s'en occupe, mais ce qui me fait encore plus moins attiré vers ce remake-là, c'est le casting qui est vraiment surprenant et qui a fait réagir aussi. Mais moi, je suis un fan de Chloé Grace Moretz, qui je la trouve vraiment bonne. Fait que, tu sais, elle a été mise pour le casting. Il y a Dakota Johnson, puis Tilda Swinton aussi. Je veux dire, c'est tout vraiment des excellents noms qui sont au casting. Fait que je suis vraiment intrigué de voir ce remake-là. Même puis, je pense qu'il ramène Jessica Harper aussi dans le film. Oui, exactement. Il ramène Jessica Harper. Oui. Oui, vas-y, Vicky. Non, j'allais juste dire, ben moi, Suspiria, je vais vous laisser aller l'écouter. Puis vous me direz si la musique est aussi gossante, parce que je suis une des celles comme très rares qui n'est pas capable d'écouter. J'adore Suspiria sur Mew. Ok, je suis pas capable d'écouter avec du son. Fait que vous l'écoutez, vous me dites s'ils sont allés dans le même choix musical. Si c'était le cas, je les applaudis parce que c'est une bonne idée, mais je l'écouterai pas. Ouais, mais si t'écoutes Suspiria pas musique, c'est comme si t'enlèverais le cœur de Suspiria. C'est Goblin un élément qui important. Faisait ça, oui. Ouais, c'est Goblin, ouais. Mais en même temps, Vicky, t'es quelqu'un qui aime pas la musique. Fait que c'est ça, non, j'ai un ami qui serait totalement d'accord avec toi, Steven, que lui, il écoute sur YouTube, il écoute les albums de Suspiria qu'on travaille, genre. Je suis comme, mais comment tu fais? Ben, honnêtement, j'écoute les best-of de Goblin en boucle à chaque semaine. Fait que... La soundtrack de Dawn of the Dead, je l'adore. Ah, t'es écœurante, cette soundtrack-là. Suspiria, moi, je l'ai vu dans les années 90, probablement sur une VHS en full screen. Fait qu'il faudrait que je le revoie un jour en widescreen pour mieux l'apprécier parce que j'en garde pas beaucoup de souvenirs. J'ai des images vagues dans ma tête. Je sais qu'il est sur Tubi TV, fait qu'il faudrait que je le revoie. Ouais. Il est gratis là, fait que je pourrais le regarder n'importe quand là. Puis, surtout que c'est le genre de film à voir en HD, ça, c'est ouais. Très visuel et coloré. Hein, c'est ça. C'est ce qui m'arrivait souvent à l'époque, tu sais, au début de la vingtaine, quand je regardais des films des 90, c'était sur VHS, puis c'était plein écran, là, tu sais, puis c'était plein écran à l'époque, ça veut dire écran carré pour remplir les TV carrés, là, tu sais, fait que ouais, c'est c'était ça. Pas en widescreen, là. Fait que on manquait beaucoup d'affaires. En pan scan. Ouais, exactement. C'est dégueulasse en plus, c'est affreux, là. C'est mal. Ah oh, oui. Notamment que tu viens d'acheter récemment un DVD en full screen, Jean-François. Deux en plus, pour notre prochain épisode du Bras de fer. Ouais. Ben, honnêtement, j'avais des DVD d'horreur que... C'est pas forcément des films que j'apprécie, mais je suis content de les avoir dans ma collection. Puis c'était à une époque où ces DVD-là étaient juste en full screen. Si tu voulais le Land of the Dead de Joshua Romero en version unrated, c'était juste full screen. Il l'avait pas en widescreen. Ben, j'ai dû me le racheter en Blu-ray. Puis il y a d'autres films d'avant que j'ai dû le racheter parce qu'en DVD, ils n'ont jamais été faits en widescreen. Puis c'est affreux. Tu manques tellement d'éléments du film souvent dans ce format-là. Là, c'est dégueulasse. Je comprends même pas qu'ils aient inventé ça pour la télévision. Là. Puis imagine, là, pendant une vingtaine d'années, c'était juste ça qu'on avait. Là. Puis même plus ouais, que c'est... ça. T'sais, le monde qui voyait les vieux films à la TV, c'était ça. Là, mais avant même qu'ils inventent les magnétoscopes, quand tu regardais un film à la TV dans les années 60-70, c'était comme ça aussi, là, c'était carré de même. Puis moi, ben c'est ça, j'ai grandi dans les années 80-90. Fait que, tu sais, les films VHS que j'ai vus toute ma vie, c'était ça. C'est juste à partir du début des années 90, mi-90, après que j'ai commencé à voir des films en widescreen. Un des premiers, ça a été Pulp Fiction. Il y a eu Natural Born Killers. J'ai acheté des versions spéciales de ça. Ouais. J'étais comme, waouh, ça change tout. Tu vois Pulp Fiction, tu vois Samuel Jackson puis John Travolta dans un ascenseur, dans le même écran. Tu fais waouh, c'était pas comme ça pantoute quand je l'ai vu la première fois. Ça change tellement tout le film, toute la dynamique, ben oui, toute la composition de l'image. C'est comme waouh. Mais toute la dynamique du dialogue est pas le même, mais genre pas pantoute. Non, mais pas pantoute, c'est ça, tu sais. Puis t'as plus les mouvements bizarres justement de pan and scan, les mouvements pas naturels de la caméra qui se faisaient, tu sais. Ça. T'sais, surtout que j'ai découvert Jackie Chan dans le temps des VHS, puis j'avais découvert un de ses classiques police story, puis c'était en full screen. Puis Jackie Chan a l'habitude de tourner ses scènes d'action en plan large. Fait qu'avec le format full screen, tu voyais zéro de combat, tu voyais juste la voiture dans le coin, puis c'est tout. Puis j'étais comme, c'est pas normal ça! C'est drôle ça comme anecdote. Chan, il a jamais vu les pieds de Jackie Chan parce que c'était trop proche. Non, mais ça, on est beaucoup de cinéphiles à avoir grandi comme ça, c'est dommage. T'sais. Puis à cette heure, c'est le fun parce qu'on maintenant, on vit dans la meilleure période pour être cinéphile, je trouve. T'as plein de rééditions de vieux films, autant des années 20, 30, 40, peu importe. Puis de tous les films qu'on a vus quand on était jeune, tu peux tous les revoir comme ça en widescreen, en Blu-ray, peu importe. Fait. Moi, je redécouvre, comme je dis souvent au Bras de Fer, puis je dis souvent à Horror Gamer aussi, je redécouvre les films, même si c'est quand c'est la deuxième fois que je les vois, puis t'sais, que je les ai vus juste une fois dans les années 90, quelque chose comme ça, mais c'est comme si je les voyais pour la première fois là, aujourd'hui. T'sais. Fait que Suspiria, ça fait une différence. Suspiria, je vais leur donner une chance en HD parce que je ne l'ai pas vu dans le bon format, probablement. Ben, Synapse, je pense qu'ils l'ont annoncé pour cette année. Là. En tout cas, ça fait longtemps qu'ils l'annoncent, là, mais avec un nouveau transfert 4K. Aussi, ouais, probablement. J'avais checké, puis les couleurs étaient belles, toutes. Ouais. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on est vraiment comme dans le meilleur moment pour redécouvrir des films qu'on n'a pas revus depuis qu'on était jeune, parce que même les films les plus anodins, les petites séries B à petit budget, c'est débile comment tu le vois pas de la même façon avec des nouveaux transferts. J'ai découvert des vieux slashers avec Arrow, avec des nouveaux transferts, des petits slashers boboches là, à 6 000 $ de budget. Mais t'écoutes le film, puis visuellement, c'est quand même pas si pire. Je veux dire, il y a vraiment des touches visuels, puis je suis comme, mon Dieu, ça ressemblait pas à ça en VHS. Là, tu vois le film de façon complètement différente. Puis ben, Neon Maniac. Oh, vas-y. Neon Maniac, parce que toi aussi, tu as le DVD. Ben moi, j'avais juste le film en VHS, puis la VHS est dégueulasse. Quand j'ai revu le film en DVD, j'ai fait, my God, il y a quand même un flair visuel dans ce film-là. Ça apparaissait pas en VHS. Neon Maniac, je connais pas ça. Petit film d'horreur de 87, je pense. Oui, avec 12 créatures tout à fait différentes. T'as le motard, le samouraï qui viennent la nuit tuer des jeunes. À San Francisco. Puis, ben, juste pour finir là-dessus, tu me fais penser qu'en ce moment, ces jours-ci, tu es en train de me retaper la première série de Star Trek, celle des années 60, avec Kirk et Spock. Puis, ils sont sur Netflix, puis c'est les versions remasterisées. En 2007, quand ils ont sorti les films en Blu-ray, la série en Blu-ray, ben, ils ont demandé à une équipe de tout refaire les effets spéciaux en CGI, en tout cas de repasser discrètement sur certains effets spéciaux en CGI, des trucs comme ça. Puis tu regardes ça, là, puis tu fais « Wow, on dirait que j'ai tourné hier. » Tu regardes comment c'est précis l'image, puis tout, puis tu fais « Moi, je les ai déjà vus, puis ils étaient lettres, là. » J'ai voyé à l'époque à la TV quand c'était Patrouille du Cosmos, puis c'était lettres, là. Mais tu regardes, tu fais « Wow, on dirait que ça a été tourné hier. » En tout cas, moi j'adore le remastering de quand c'est bien fait. Mais, ouais, c'est fou. Alors. Next, Friday the 13th. On n'aura pas grand-chose à dire. Je sais même pas s'il sort officiellement cette année. Il n'y a pas vraiment rien qui a été dit. Fait que ça reste à voir, mais il est quand même sur la liste. On a également Resident Evil. Friday the 13th, c'est quoi qui est annoncé? Un remake ou une suite? Ou un prequel? Si je me trompe pas, c'est une suite du remake. Tu sais, au départ, c'était supposé être un fan footage. J'étais comme, ok, ouais, ça pourrait être intéressant, mais ils ont changé ça. Puis les producteurs avaient juste plus l'air de savoir où c'est s'enligner avec ce film-là. Mais apparemment, qu'on va l'avoir cette année. Resident Evil, finalement, le chapitre final qu'on devrait avoir d'ici 2 semaines ou la semaine prochaine. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai vu le trailer passer. Le trailer. Je vais être honnête, je m'en bip, bip, bip contre fou parce que cette série-là ne fait plus aucun sens et moi, je la vois pas comme un divertissement coupable comme la plupart des gens m'en parlent. Le dernier, le monde dit « Écoute-les comme un gros film d'action, jeu vidéo avec différents levels, avec différents boss, puis tu vois, c'est vraiment le fun. » Puis non, à la limite, je préfère Underworld qui est beaucoup plus fun pour moi parce que je trouve que c'est une série qui a un peu plus de cohérence au moins que Resident Evil, puis elle garde les pieds sur terre. Mais c'est quoi j'allais dire? C'est justement une série que le premier volet, j'ai adoré, puis que les autres, je m'en souviens plus. Les Underworld? Resident Evil. Non, Resident Evil. Mais Resident Evil, ça part dans tous les sens. Autant au début, il essaye à la limite de respecter... Ah, le premier est bon! Le premier est bon. Jeu ou pas, là, tu sais, quand on dit « prends un film pour ce qu'il est », là, le premier est bon, là. Non, le premier est tout le fun. Mais ça, je trouvais pas qu'il respectait tant que ça les jeux, parce que je trouvais rien dans le premier qui ressemblait au jeu. À partir du 2, tu fais « OK, là, on arrive dans le deuxième jeu. » Tu fais « OK, on arrive dans la ville, tout ça. » Tu fais Mais, tu sais, c'était pas... C'est pas mal juste le deuxième, parce qu'il s'amuse à prendre des plans iconiques du jeu vidéo puis à les foutre dans le film de temps en temps. Mais, je veux dire, l'histoire en tant que telle fait ni queue ni tête. Là, ça suit aucunement les jeux vidéo. J'ai vu le troisième, puis après ça, je n'ai pas vu d'autres. J'ai pas suivi la série. Ça l'empire. T'as rien vu, ça l'empire. C'est vraiment affreux. Là. Il mêle de l'univers parallèle avec... pas l'univers parallèle, mais du monde virtuel, puis ça fait plus de sens. Il y a des clones, ça l'arrête plus. Là. Moi, je pense que le 3 finissait avec des clones de Mila Jovovich. Oui, qui est devenu aussi un scanner. Là. Oui, il y a comme une tombe pleine de clones d'elle. Hein? Quelque chose comme ça, à la fin du 3, il me semble. Ouais. Fait que moi, j'ai abandonné cette série-là. Je me fous de ce dernier volet. Peut-être que je vais le voir un jour sur Netflix pour dire que je l'ai fini pour de bon, là, mais en tant que tel, ça me fait complètement rien. On est supposé avoir la prequel de Leatherface qui sort aussi cette année. Si je me trompe pas, c'est par les réalisateurs de À l'intérieur, le film français. Honnêtement, on n'a pas déjà eu un prequel à Leatherface? En fait, oui, on a eu le Leatherface The Beginning qui était la prequel du remake, mais... En fait, les 5 premières minutes, c'était la naissance de Leatherface. Ouais, après hein? ça, on revenait à un film typique de Massacre à la tronçonneuse. Je veux dire, on n'apprenait rien de nouveau. Tandis genre un butcher, là. Ouais, un boucher, genre. Là, ouais. Tandis que celui-là, c'est supposé se concentrer sur la jeunesse de Leatherface. Mais... honnêtement... La jeunesse de Leatherface. C'est-tu un sujet moins intéressant que ça, je pense, dans l'histoire? Est-ce que vous pensez qu'il rêve à des chevals blancs? Des chevals blancs, puis il va torturer des animaux dans sa chambre, puis il va écouter du métal, puis sa famille va s'envoyer chier quand il déjeune le matin. Non, mais c'est pas nécessaire de voir la jeunesse des tueurs. Fuck, sérieux, le monde voit tellement pas la face désespérée. Steve va dire, mais c'est, je suis torturé. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que ce sont des tueurs que forcément, quand ils étaient jeunes, c'était des maniaques, puis crasses, puis qui vivaient dans des conditions atroces. Je veux dire, c'est cliché. Puis c'est... Je veux pas le savoir. Ça serait le fun s'il ferait genre un film à la garderie avec des jeunes Leatherface, jeunes Jason, jeunes Mike Myers, des Michael Myers, des trucs comme ça. Ben, une comédie horrifique comme ça. T'sais, tu fais une comédie Chucky, avec toutes les icônes. Je disais pas un jeune Chucky, mais Chucky. Tout, à la garderie, ils ont tous 5-6 ans. Là, ouais. Puis, ouais. Découvre le masque chacun. T'sais. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas pertinent de nous offrir des backgrounds de tueurs là, avec leur jeunesse. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Ça enlève tout le mystère de la chose. Exactement. Tu sais, je veux dire, Michael Myers, là, qu'est-ce qui fait sa force justement dans la version de John Carpenter, c'est que c'est perçu comme une perception du mal. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'humain, Michael Myers, la manière qu'il nous est montré dans John Carpenter, tandis que Rob Zombie essaie de le rendre humain. T'sais, Michael Myers, ben, il est triste dans l'escalier en écoutant la chanson Love Hurt parce que sa mère, c'est une stripteaseuse et qu'elle vient pas passer l'Halloween avec lui. Pis c'est comme, OK, gaffe, arrête d'essayer de me faire aimer Michael Myers. J'ai pas besoin de ça pour l'aimer. J'aime mon Michael Myers tueur typique. Là. J'ai pas besoin d'avoir des sentiments humains et d'avoir de la tristesse envers le personnage. Je suis pas super à jour dans la série, mais Massacre à tronçonneuse, le premier film, tu n'avais pas besoin de savoir la jeunesse de Leatherface pour qu'il soit plus grand. En fait, ça n'enlève pas justement le côté épeurant d'en apprendre trop sur le personnage. Ouais, c'est ça, c'est comme ça va tout gâcher. Ça peut rendre le personnage cute à la limite. Ça peut rendre le personnage « Ah, pauvre petit! » Non, tu veux pas faire pauvre petit. C'est comme le remake de Friday the 13th, avait quasiment fait de Jason une lavette là, qui était qui sauvait sa victime. En fait, il kidnappait sa victime, il la gardait dans une genre de grotte, puis c'était comme c'est pas ça, Jason. En plus, il était tout marqué par des souvenirs puis tout, puis c'était comme mais non, il est tout torturé, puis c'est pas un Jason torturé que je veux là, c'est mais c'était la mode, il essayait de faire ça avec toutes les icônes de l'horreur, de leur donner un aspect humain, puis c'est comme ben non, ce sont des monstres, ce sont des croque-mitaines, on veut pas que ça soit des humains là. Ouais. Alors, il avait fait ça aussi avec Nightmare on Elm Street. Ouais. Ouais. un des pires remakes, ça c'est affreux. Ah, puis il faisait ça partout, il faisait ça avec Batman, puis il faisait ça que c'est tous des personnages torturés, puis ci, puis ça, tu sais. Puis... Nightmare on Elm Street, ils ont fait des screen tests de ce que j'ai lu, puis les spectateurs trouvaient Freddy trop épeurant pour leur souvenir. Fait, comme ça, le masque pour qu'il soit moins épeurant. Okay. Parce qu'il disait, Freddy, c'est pas censé être épeurant, puis là, il est juste épeurant. T'sais. On est censé s'amuser un peu avec les catchy phrases de Freddy, puis là, c'était comme, non, il me fait vraiment peur. Fait qu'ils ont comme down un peu le masque puis le maquillage, genre, ils l'ont mis plus goofy. Comme... Ben, plus réaliste, là, t'as juste vraiment l'impression de voir un vrai brûlé qui se promène avec un gant avec des griffes. Là. En plus, c'est pas l'impression que toi, quand t'écoutes la vieille saison, la vieille série. Non, aucune mal. C'est ça, là, c'était trop ça, tu sais. Fait que bref, tu sais, on parle d'origine ou quoi que ce soit, tu sais. Déjà, en partant, le premier Nightmare on the Street donne les origines, là. Fait que t'as pas besoin de plus d'origine que ça, là. Mais, je sais pas, ça a-tu vraiment de l'intérêt? Qui va aller voir ça? Les ados? Mais encore là, parce que je suis d'accord avec les ados, parce que c'est ce que je dis depuis tantôt, mais... Je me dis, ils vont-tu se dire, j'ai pas vu les autres, fait que je m'en fous. C'est ça que je me demande. Ben, c'est une prequel. T'as pas besoin d'avoir vu les autres. C'est comme le commencement, fait que ça dérange pas. Je sais pas. C'est une question que je me demande. Oh, je vais surveiller le box-office. Puis il faut que ça soit vendu comme ça, parce que, tu sais, quand même, le titre, il évoque quand même. Tu sais, le titre est super connu. Fait que, même si un jeune n'a pas vu les autres films, il y a quand même une impression que le film. J'imagine que les jeunes savent que ils vont voir Massacre à la tronçonneuse ou quelque chose comme ça, Texas Chainsaw Massacre, puis ils vont dire ah ouais, ok, c'est cette série-là, mais je les ai pas vus, fait que pourquoi j'irais voir celui-là? Oui, c'est ça l'impression que ça me donne. Ça va être mélangé. Alors que de tous c'est mélangeant tout... parce qu'on était tous mélangés tantôt. C'est mélangeant cette série-là, c'est mal foutu, je trouve, là, comment est-ce qu'ils l'ont. Parce que t'as eu le remake de 2003, ensuite t'as eu la prequel du remake, puis après ça, on a eu le dernier en 3D, Texas Chainsaw, qui se déroulait comme quelques heures après les événements du premier original de 1900. J'étais comme, c'est rendu du n'importe quoi. Ils savent plus comment contrôler leur timeline. On va voir si ça va aller mieux. Pour le même cours, j'avais commencé justement les. Tu sais, j'avais vu les décadences pour un cours que j'allais donner au cégep sur les films d'horreur en série. Et j'avais commencé les Massacres à la tronçonneuse. Et j'ai arrêté après le début du 3, peut-être 4e, parce qu'ils en ont fait une série. Celui avec René Zellweger. Le 4e, ça, ouais. Mais il y en a un qui se passe au début dans une station radio. Et c'est tellement ridicule que. C'est le 2. C'est ça, c'est le 2 direct. Oh non, c'est plus loin que ça, je pense. En tout cas, la scène qui m'est restée en mémoire, c'est plus loin que le 2. Leatherface est tellement comme Chico qui flotte dans son linge. Tu sais, t'as sa chemise, puis il flotte de partout dans sa chemise. Fait qu'ils ont comme pas pris un gars costaud, mais ils ont gardé le costume du gars costaud. Puis, il y a une fille qui veut faire l'amour avec Leatherface. Là, c'est pas très clair dans ma tête, là. Mais ça finit que la tronçonneuse, c'est un objet totalement phallique. Mais ouais, c'est le 2. Ouais, mais y a-tu comme si la tronçonneuse c'était son pénis, puis il a pénétré avec sa tronçonneuse, genre. Puis là, j'ai fait, ok, mais ça va. Non, ça marche pas, parce que j'ai pas peur, là. Je suis sortie du film, là. Je trouve ça trop drôle, là. Alors, le premier, c'était fait comme un documentaire, quasiment. Tu sais, le premier, était tellement efficace. Ouais. Sérieux, de tous les films de slasher, puis des films d'horreur des années 70-80, là, celui-là, là, il rentre encore. Là. Drôle parce que Toby Hooper, en fait, son premier Texas Chainsaw Massacre, c'est supposé être une comédie. Fait que lui, il comprenait pas que les gens riaient pas à plusieurs des scènes. Puis quand il a fait Texas Chainsaw Massacre 2, ben c'est vraiment sa vision de qu'est-ce que devait être le premier. Fait que quand t'écoutes le deuxième, c'est vraiment une comédie noire. Là. Fait que c'est normal que t'avais pas peur. Hein, mettons, il y a beaucoup plus d'humour qu'autre chose dans le deuxième. T'as trouvé pas drôle ayant vu le premier? Ayant vu le premier, je m'attends pas à ça, je le trouve pas drôle, je le trouve juste malaisant, là. C'est vraiment malaisant, là. Mm. Ouais, mais c'est ça, c'est un bordel, ça, cette série-là. Fait que, vraiment. Comment est-ce qu'ils vont vendre ça d'un trailer, là? Comment est-ce qu'ils vont vendre ça, je sais pas en tout. Au commencement, il y avait le commencement. Et avant le commencement, il y avait 2017. ça se passe avant, mais 30 ans plus tard. C'est ça. Sinon, il y a Jeepers Creepers 3, que si je ne me trompe pas, est en tournage. Fait que c'est encore incertain s'il va sortir au courant de l'année. Avec le même réalisateur pédophile? Ouais, exactement. Oui, c'est Victor Salva qui s'en occupe encore, le fameux réalisateur pédophile. Et en fait, il ne devait même pas le faire au départ, le film, parce qu'il a été refusé par pratiquement toutes les compagnies qui ne voulaient plus le financer. Enfin, j'ai aucune idée où c'est qu'il a trouvé son financement pour faire celui-là. Je vais être honnête, je suis pas mal dans l'optique de vouloir boycotter et de ne pas vouloir ce troisième Jeepers Creepers 3. Là. Parce que même le deuxième, je suis même plus capable d'écouter de manière tout à fait... objectif de cinéphile pour le fun. Je le vois vraiment juste comme un film qui me rend mal à l'aise avec sa créature, que j'ai envie de faire des choses. Surtout pour avoir vu le vidéo de Sylvain là-dessus. Ouais, moi tout, j'allais dire, vraiment je bien pointé juste avec les éléments. Là. Je l'écoute juste quand Sylvain démenti me le décrit. Non, l'écoute. Fait que pour moi, ça risque d'être un « je laisse passer ». Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas des rumeurs, de ce que je me souviens. C'est pas des rumeurs de pédophilie, là. C'est des... Ah non, c'est arrivé durant le tournage de Clown House dans les années 80. Il a abusé d'un jeune sur le plateau, puis il est allé en prison pour ça. Là. Fait que, tu sais, tu l'écoutes parce que tu sais pas, mais écoute, tu le sais, tu peux vraiment l'écouter, non. De toute façon, comment tu peux autoriser encore ce gars-là à tourner des films avec des jeunes, là? Mais ça, c'est un autre débat, mettons, là. Ça, on choisit tous nos combats parce qu'on va continuer d'écouter les films de Roman Polanski ou des affaires de même. Fait que, c'est tout à toucher ces affaires-là, mais dans ce cas-ci, je suis pas attaché à Jeepers Creepers. J'ai juste vu le premier, fait que je suis comme bof. J'irai pas voir le troisième. Là. J'ai vu la vidéo de Sylvain pour le 2 puis c'était en masse. Là. Ben justement, c'est parfait comme ça. Ouais. Merci encore Sylvain Desmentis. Annabelle 2. Ah, ça, c'est de la merde. Fait que moi, je suis zéro intéressé parce que c'est pas un très bon film, Annabelle. Fait que, j'ai pas compris pourquoi ils ont réussi à faire un 2. Ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Ils ont-tu comme compris qu'ils ont fait de l'argent avec le premier Annabelle parce que c'était relié à The Conjuring, mais tout le monde était déçu. Ce film-là doit pas être une super bonne coque, là. Sérieux, c'est impossible. Que... Les gens l'ont pas aimé. Je connais personne qui a trippé sur Annabelle, là. Je connais quand même plus de monde qui a aimé Annabelle que Ouija, par exemple, parce que le premier Ouija, c'est un film qui a topé le box-office, mais il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il a aimé ce film-là. Puis ils ont fait une suite, mais là, ils ont été assez intelligents pour aller chercher Mike Flanagan pour qu'il en fasse un bon. Là. Puis Annabelle 2, ils ont été chercher quelqu'un d'intéressant? Si je me trompe pas, c'est le gars de Lights Out. Ah, okay. Moi, j'ai pas détesté Lights Out. J'ai pas détesté non plus, mais encore là, c'est un film polémique. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté, comme il y en a beaucoup qui l'ont vanté. Il a été dans plusieurs top 10 de l'année, ce qui m'a surpris. J'ai aimé Lights Out, mais je crois pas qu'il mérite d'être dans un top 10. Non, mais moi, j'ai eu du fun, tu sais, avec Lights Out. Ben, c'est efficace. Je veux dire, moi, j'avais aucune attente. Je sais que Sylvain Desmentis a des... Puis la gang d'Horror Web ont des problèmes avec le film, puis ça, je le comprends très bien. Puis dans leur épisode, ils exposent tout ça, puis... Je comprends, là. Mais moi, j'ai eu du fun au cinéma. C'était quoi en français? Dans le noir? Dans le noir. C'est sorti au mois de juin, au mois de mai, là. C'est 2016, c'était au cinéma, puis... On n'a pas fait un épisode là-dessus, non? Non. Oh, non mais vous n'avez... On a mis des critiques en ligne sur notre site. Ouais, vous avez mis des critiques, puis c'est basé sur un court-métrage de 3 minutes qui a fait sensation parce que c'est super efficace, mais en même temps, c'est simple, le concept est tellement simple que tu dis comment le gars va arriver à faire un film d'honneur et demi puis à garder notre attention. Puis, crime, moi, c'est ça qui m'a surpris. Il réussit pareil à faire une bonne job pour un concept aussi simpliste. Puis, tu sais, le film, il dure quoi? 1h14? Je trouve qu'on s'emmerde pas puis que j'ai personnellement beaucoup aimé l'héroïne principale avec son chum. Dans le genre film fait à partir d'un court-métrage, j'aime bien plus ça que Mama. Moi, personnellement. Là. Ah oui, définitivement. Maman, oui. Le court-métrage, il fonctionne à fond, mais le long-métrage, non, il m'a perdu vers la fin. Mais Lightside, il m'a tenu en haleine tout le long, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis j'ai beaucoup aimé les personnages, moi, personnellement. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais t'sais, le chum, je pensais qu'il allait mourir dès le départ, mais finalement, t'sais, il est super intéressant, puis t'sais, tu veux pas que personne meure dans le film, t'sais, tu veux... Ils sont tous le fun. En tout cas, on repartira pas le débat, là, mais... Non, mais c'est une des rares fois que j'ai vu un film d'horreur comme ça au cinéma où que la fille, mettons, c'est l'héroïne, puis que son chum n'est pas un imbécile ou un obsédé sexuel, quoi que ce soit. Le gars, il s'intéresse à elle, puis il est vraiment là pour l'aider constamment. Fait que le personnage, t'as juste envie qu'il soit tout le temps là. Il est le fun, puis il est intelligent. C'est le fun d'avoir un personnage qui a quand même du contenu et qui n'est pas juste une grosse coquille vide. Mais là, c'est niaiseux, mais je pense que tout à coup, je t'ai intéressé à Annabelle 2 à cause de ça. je vais aller à contre-courant bien raide, là, puis je vais te dire, OK, ce réalisateur-là, je vais lui donner une autre chance. Bon, ben, c'est pas une autre chance parce que j'ai aimé son premier film, mais je veux voir qu'est-ce qu'il va faire avec Annabelle. Puis, on verra, peut-être que ça va être bon. On va répondre à la question de Vicky tantôt, mais Annabelle, sur Rotten Tomatoes, il y a 29%. Ouais, c'est ça, je suis sur MDB, puis il y a 5. Non, c'est pas un film très Metacritic, c'est Metascore, c'est 37%. Ouais, c'est ça. C'est pas un film, mais pas en tout, là. Non. Je veux dire, les gens se sont déplacés parce qu'ils s'attendaient à quelque chose, ils l'ont pas eu. Ils se déplaceront pas pour le 2. Je suis curieux, voir, je vais checker pour Rotten Tomatoes. Pour Lights Out, comment est-ce qu'il y a sur Rotten? 76. Ouais, je veux dire, même... 76, quand même. Non, mais il est quand même bien aimé, Lights Out. Il est pas, c'est pas si pire, mais... Annabelle, c'est encore drôle. Tu sais, gars, s'ils pensent que le film va marcher encore juste parce que le premier a eu autant de succès au box-office, je veux dire, Ouija 1 a vraiment marché, mais vraiment tout le monde a détesté. Mais quand on regarde le box-office de Ouija 2, ça a pas été... tu sais, ça a quand même été pas si pire, mais ça n'a pas été le gros hit parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas osé voir le film à cause que le premier était une grosse merde. Mais tu sais... Ouais, puis tu lui dis, le Mike Flanagan, ça dit rien pantoute, tu sais, au grand public, je parle, là, tu sais. Les grands publics n'ont pas vu Oculus, ils n'ont pas vu... Hush, ça, t'sais. Son premier film, c'était quoi déjà? C'est Absentia, tu sais. Puis il y a Before Away qui vient de sortir là. Tu dis que le réalisateur de Annabelle 2, c'est Mike? Non, le réalisateur. De Ouija 2. Oui. C'est Mike Flanagan. Parce que là, le réalisateur d'Annabelle 2, c'est un inconnu, là. Non, c'est Gordon. C'est le réalisateur de Lights Out, là, mais tu sais, je veux dire, à part ça. Ben, c'est ça, c'est son premier film, Lights Out. Bon, mais c'est ça. Il se fait donner une série boboche. Mais je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça parce que moi, j'ai aimé Lights Out. Non, mais j'écoute, t'inquiète pas là. Non. Mais c'est parce que je regarde les photos, puis. Non, ça marche pas. Tu sais, la poupée Annabelle est fucking creep, là. Tu donnes pas ça à ton kid, là. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais ça, c'est encore le débat qu'on avait tout dans le temps que c'est sorti, là. Ben non, mais la 1, elle est belle, c'est une collection, tu sais, puis c'est pas un enfant qui l'a. Là, c'est l'enfant à jouer avec une poupée avec les yeux cadavériques puis une tache de sang grosse de merde. Elle est pas belle dans le premier, là. Je veux dire, dès la première fois que tu vois la poupée Annabelle, c'est tellement creepy que je donnerais jamais ça à un enfant, là. Pas pour un enfant non plus, c'est une madame qui collectionne les poupées. Ça a toujours l'air creepy, une madame qui collectionne des poupées. Ouais, on pourrait. un autre qui a été retardé pendant des années, qui a eu des dates, qui s'est fait retarder, puis que tout le monde s'en fout maintenant, puis on sait même pas pourquoi ils font pas juste le sortir sur Netflix, Amityville de Awakening. Ouf! Ah, c'est quoi ça? Il était dans la liste à Seb, parce que Sabitou m'avait donné des suggestions. Ah ouais? Encore? Ça va peut-être aussi, ça et tout, comme Texas Chainsaw Massacre, le commencement du beginning en plus quoi du premier? Non, honnêtement, ça a juste l'air d'un Amityville typique dans la maison. Là. Je veux dire, ça, j'ai pas l'impression que ça soit forcément un remake ou une prequel ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est un film qui met en vedette Jennifer Jason Leigh, tu sais, qui est une actrice que j'aime quand même beaucoup. Puis le film est réalisé, si je me trompe pas, c'était qui déjà? Jennifer Jason Leigh, elle attire plus personne au cinéma. Fait que c'est... Non, je sais. C'est dommage, mais c'est par le réalisateur de P2 puis le remake de Maniacs avec Elijah Wood. T'sais, c'est quand même un gars compétent. Oui. Mais le film a tellement eu de fuck. Je sais pas, il y a eu tellement de huis chauds de problèmes de montage qui l'ont retardé depuis des années. Là, ça fait, je pense, depuis... J'essaie de voir une date sur IMDb, il n'a pas l'air de le mentionner. Mais honnêtement, ça fait vraiment longtemps qu'il traîne puis qu'il donne une date à chaque année puis que finalement le film sort pas. Puis c'est-tu encore une suite à la série originale ou au remake de 2006-2007? C'est pas clair. Moi, j'ai pas le feeling que ça soit une suite au remake, là, honnêtement. Okay. Mais ça reste à voir. De toute façon, Amityville, c'est une série de merde en tant que telle. Il n'y a pratiquement aucun bon volet, à part le deuxième qui est pour moi meilleur que le premier film. Moi, j'aime le premier, moi. Non, mais j'aime le premier, mais je trouve que la suite est supérieure, ce qui est rare dans les cas. J'ai beaucoup aimé voir vraiment le commencement. Le deux, il est bon, mais je le trouve creepy à cause du frère et de la sœur qui pensent à coucher ensemble tout le long. Là. Je le trouve weird, là. sinon, les suites, je veux dire, c'est tout inégal. Fait que c'est pas vraiment une série qui attire encore autant les foules, selon moi. Là. Fait qu'ils devraient arrêter de laisser ça dans un tiroir puis le foutre sur Netflix, genre le vendre à Netflix ou je sais pas. J'ai pas vu le remake, mais il y avait Chloé Moretz dans le remake, c'est la petite fille. Ouais. Ouais, qui était très jeune. Non, non, pour vrai, puis tu sais, EMC arrête pas de faire des marathons à Amityville, puis on les laisse rouler dans les bistro, puis... Oh, c'est pas un jeu, sérieux. Mais c'est parce qu'après ça, ils ont déplacé l'action après le deuxième, je pense, tu sais, puis c'était rendu un objet qui était hanté, là, c'était un miroir, c'était ci, c'était ça, tu sais. Une lampe, un miroir, une maison de poupée pour enfants, c'est comme, OK, là, ça suffit, l'esprit s'amuse à se promener, là, c'est quoi, là? Ce qu'on veut voir, c'est la maison avec les grosses fenêtres bizarres, mais c'est pas ça. C'est dole, ben, la force d'Amityville, c'est ça, c'est l'aspect de la maison, c'est ça qui fout, qui fout la chienne. C'est comme s'il ferait un film d'Halloween sans Michael Myers. Ça devait même pas s'appeler Halloween 3, de toute façon, ça. Mais c'est un très bon film. C'est un très bon film. Sinon, il y a la suite de Chucky. Ça risque d'être plus un direct tout vidéo, mais Cult of Chucky qui sort peut-être fin de l'année, puisqu'il est en tournage en ce moment, qui va être la suite de Curse of Chucky, qui était sortie avec la fille de Brad Dourif, qui revenait plus à l'essence du premier. Ça misait beaucoup plus sur l'horreur. Ça ressemblait parfois à un genre de Hitchcock dans son suspense. À un moment donné, une scène de souper avec du poison en rat dans une assiette, mais on n'a aucune idée c'est dans quelle assiette qu'elle est. Puis le réalisateur s'amuse vraiment à créer un suspense avec ça, ce qui est vraiment cool. Moi, j'avais beaucoup aimé. C'est pas un film qui a été forcément apprécié de tout le monde, mais je trouvais que Don Mancini a ramené Chucky sur le bon chemin parce que j'ai détesté Seed of Chucky. Je trouvais que c'était une mauvaise comédie pour ma part. Mais je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire avec cette suite-là. Puis en plus, il ramène Alex Vincent qui jouait Andy, le jeune Andy dans les deux premiers, qui revient pour affronter Chucky. Je trouve ça cool. Fait que, pourquoi pas? J'ai rien contre. Ouais, ben, j'aime beaucoup les trois premiers films. J'ai vu le quatrième, j'ai vu Bride, mais après ça, j'ai pas vu les autres. Fait que, mais je serais dans le mood, je pense, pour les voir les nouveaux, puis ben, les nouveaux, les trois autres films, puis. Non, je serais curieux, je pense, de voir ça. Ben, ça pogne encore, je suis poche là, avec mes anecdotes de bistrot, mais j'ai des petites filles adolescentes puis des petites jeunes qui ont vu des Chucky dans mes choix puis ils ont écouté. Fait que Chucky, je pense que ça pogne encore. Peur, pas peur, ridicule, pas ridicule, je pense que le nom reste. Attention, Seb, tu vas pogner avec les adolescentes. Tout à l'heure, Seb, il y avait un gilet de Chucky. Oui, c'est vrai. Avant de partir, mais c'est ça, j'en ai un que... Il est après la fiancée de Chucky, puis Sophie en chaise roulante dans le film, c'est quelqu'un qui l'a laissé au bistrot. Puis les filles l'écoutent, puis je trouvais ça juste cute que des filles de 15-16 ans, même pas, ils écoutent Chucky. Je me dis, OK, ça pique encore la curiosité, tu sais. Ben, je crois que les poupées tueuses, ça a tout à son effet. C'est un peu intemporel, ça. Je veux dire, il y avait eu The Boys qui est sorti en 2016 qui montrait ça comme un film de poupées démoniaques. Puis les gens étaient intéressés. Je crois qu'on garde toute une petite phobie des poupées, peut-être. En tout cas, moi, Chucky me traumatisait dans mon enfance. Là. J'ai tout le temps rêvé à ces petits cheveux roux qui montent l'escalier avec un couteau pour venir me poignarder. Fait que sinon, moi, c'est sûr, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, la liste est pas mal terminée. En gros, le dernier que j'avais, c'est One Turn 7. Honnêtement, ils sont rendus à 7. Ça a l'air que ça se peut. J'avais vu le premier au cinéma. Le film avait une publicité tellement minimaliste. Il était dans un seul cinéma dans mon coin. J'étais le voir. Ça s'appelait Sortie Fatale. Puis il n'y a personne qui a vu ça avec Elisabeth Dushku. Et j'avais vraiment trippé. Je trouvais que c'était un bon survival. Jamais. C'est tout le temps des personnages différents. Mais c'est une série boboche. Là. Les suites, là, c'est tellement quétaine. Les maquillages des mutants, ça fait dur. Puis ils misent juste sur des meurtres gore en CGI avec des ados stupides qui se font tout le temps pogner. Fait que moi, c'est une série vraiment minable. Là. À part le premier, j'ai pas grands épisodes que j'affectionne. Fait que je m'en fous pas mal. Là. Ouais, non. Non, c'est pas. Non, on n'est pas. Non. En gros, c'est pas mal ça. Parce que c'est la fille dans Buffy, là. Ouais. C'est pas mal pour ça. écouté, puis c'est pas mal tout, là. Mais j'en ai pas vu un seul, fait que je peux pas commenter. Sans doute qu'il y a d'autres suites ou remakes qui s'en viennent, mais en même temps, je crois qu'on va pas toutes les faire. On va rester avec les plus gros. Je voulais juste faire une petite mention honorable, par contre, pour le fun, pour un des films d'horreur, ben deux des films d'horreur que j'attends le plus cette année. Il y en a un qui sort au mois de février, si je ne me trompe pas, c'est Get Out, concept qui, moi, me fascine beaucoup, qui m'a accroché avec une fille qui sort avec un noir, puis elle l'amène dans sa ville natale pour le présenter à ses parents, à tout le monde, mais dès qu'elle rentre dans la ville, tout le monde le regarde de manière dévisagé et très raciste. Là. Le noir est perçu de manière assez bizarre. Puis il arrive toutes sortes de trucs weird. J'ai pas regardé la bande-annonce au complet parce que j'avais l'impression que c'était qu'il y avait beaucoup de spoilers, fait que je l'ai arrêté. Mais c'est réalisé et scénarisé par des humoristes populaires en Amérique. C'est eux qui ont fait la comédie Can You avec un petit chat qui se fait kidnapper par des gangsters, qui était quand même sympathique. Fait que j'ai l'impression que ces gars-là vont apporter peut-être une approche différente et rafraîchissante à l'horreur. En tout cas, déjà, le concept est très vendeur. La bande-annonce avait attiré des millions de views en une ou deux journées. Fait que ça reste à voir. C'est un que je vais aller voir au cinéma, assurément. Et il y avait le deuxième, qui est une production de James Gunn, qui l'a scénarisé aussi, si je ne me trompe pas, The Belko Experiment, qui est un genre de bataille royale, mais dans un bureau de travail. Là. Dans une tour. Ouais, dans une tour. Ça a l'air vraiment fou. Déjà, moi, j'étais un fan de James Gunn. Fait que le fait qu'il s'occupe du scénario, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que Alan Rickman meurt, en fait? Il est mort depuis longtemps, la crime. Ah, OK. Faudrait leur envoyer Christian Bégin. J'ai une liste devant moi, je pas pour qu'on étire l'épisode pour pas qu'il dure 3 heures, mais tu sais, je regarde des titres comme ça. Il y a Underworld qui est sorti au mois de janvier, je pense, qui vient de sortir. Là. Ouais, la semaine passée, ouais. Ok. Ça, c'était-tu quelque chose que vous attendiez? Ben, comme je dis, j'ai du fun avec la série Underworld, contrairement à Resident Evil, mais pas pour aller forcément le voir au cinéma. De toute façon, le film se plante au box-office en ce moment, fait qu'il devrait pas rester très très longtemps. World War Z 2. Oui. Ça sort-tu vraiment cette année? Oui. Ça a l'air que c'est le 9 juin, c'est la date que j'ai devant moi. Oui, moi ça m'intéresse, puis je vais te dire pourquoi, parce que j'ai essayé de lire le livre que je n'ai pas trouvé de palpitant. Ah, il est plate, oui, le livre, puis c'est mal écrit. Je suis désolé, mais merci, Max Brooks, là, il est écrit très mal. Je ne sais pas si j'allais lire en anglais ou en français, là, mais exactement, yay! Mon PGF, on est amis! La scène qui se passe au Canada, là, c'est un esti de cliché, là, puis toutes les autres scènes, c'est tout des mon clichés. Mon Dieu! Jean-François, je t'ai jamais vu ainsi. Ah, j'ai détesté ce livre-là, là. Je l'ai lu, j'étais insulté, j'ai fait « Ah, c'est de la grosse merde! » Puis tout le monde l'a dulé, ce livre-là, j'étais comme « C'est mal écrit, on dirait qu'ils n'ont jamais lu, ceux qui aiment ça! » Moi, je lisais dans mon sauna, puis tu sais, je me disais, je fais 1 heure de sauna par semaine. Fait que là, je me dis, c'est parfait, je vais lire un chapitre durant mon heure. Puis j'avais pas envie d'y retourner. Non. Vraiment, je l'ai pas fini, j'avais pas envie de retourner dans ce livre-là. Je le trouvais emmerdant, ouais. Ramassé, cliché, parfois malaisant de racisme même. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi les gens qui ont vu le film arrêtent pas de chialer en disant c'est pas comme le livre? Mais non, Chris est meilleur. Puis je disais. Le livre, c'est plein de gens qui témoignent. Ben, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Si on fait une série de films, ça va être crissement intéressant. Ben oui, ben ça va créer un univers. C'est de quel film qu'on parlait tantôt de création d'univers? Le monstre. Moi, j'aime ça quand on me crée un univers. Fait que les momies, ça peut créer un univers avec les monstres. Ben, ça, ça va me créer un univers. World War Z, avec toutes les gens qui ont réagi. Je suis une fan de Walking Dead, j'en manque pas un. Moi, là, des univers post-apocalyptiques où on essaie de survivre, que ce soit du zombie ou whatever, je trouve ça tellement intéressant. Fait que moi, je suis totalement emballé. Parce qu'en gros, honnêtement, là, oui, vas-y. En gros, le concept du livre, c'est ça. C'est un gars, un journaliste ou un auteur qui décide d'aller faire le tour du monde pour essayer de trouver des témoignages de cette affaire-là qui est arrivée, cet apocalypse de zombie-là qui est arrivé. Puis ça se passe un petit peu après. T'sais. Lui, il va voir où c'est que ça a commencé, le patient zéro, tout ça. Puis il interviewe plein de monde partout dans le monde. Puis les autres racontent les anecdotes, les événements qui se sont passés, les attaques de zombies épiques. Il y a une affaire, une scène qui se passe avec une autoroute, si je me souviens bien, c'était assez épique, les hélicoptères, puis tout. Puis c'était le seul bout du roman que j'ai un peu aimé, là, mais c'est ça, il y a vraiment du potentiel de faire raconter plusieurs histoires partout dans le monde à cause du roman, tu sais. Puis le film, je l'avais bien aimé parce que justement, il était meilleur que le roman, fait que j'étais comme, OK, ben tant qu'à... Ben, moi, j'ai vu le film, puis j'ai voulu lire le roman par après, par exemple. OK, moi, j'ai lu le livre avant. Mais j'ai fait, bon, ben, tu sais, ils ont réussi à l'améliorer, fait que c'est déjà beaucoup, puis ça a ses défauts, mais, tu sais, j'ai eu du fun. Je l'ai adoré. Puis, tu sais, Brad, pas Brad, là, les personnages sont fucking attachants. Là. La famille, là, puis là, la famille, ils sont sur un bateau, puis là, il faut qu'ils se fassent mettre dehors du bateau, parce qu'ils n'ont pas de raison d'être sur le bateau, puis là, alors, moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré. J'étais emballé dans le... J'ai embarqué carrément dans le suspense, là. Mais avec les critiques qu'il avait démolies à l'époque, moi, j'ai été surpris d'avoir beaucoup apprécié. Je l'avais juste vu en Blu-ray, j'avais attendu. Puis malgré que quelques petits défauts, comme dit Jean-François, du placement de produit un peu louche, puis Brad Pitt qui survit à toutes les pires catastrophes possibles durant le film, je veux dire, il y a quand même des putains de bonnes scènes là-dedans. Là. Puis à la base, j'ai trouvé le film très haletant. Là. Ça m'a gardé en haleine tout le long. J'ai sur ma liste site Flatliners. Ouais, c'est un remake du film avec Kevin Bacon. Mais là, je suis plus sûr parce que je me rappelle d'un article qui disait que finalement, ça serait peut-être une suite parce qu'ils vont ramener le personnage de Kiefer Sutherland. Oui, c'est ça que j'ai entendu aussi, ouais. Mais je suis curieux à cause de ça. Je suis intéressé. J'adore Flatliners. C'est un film de 90, comme tu dis, avec Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts, je ne sais plus qui d'autre, un des Baldwin. Puis, je m'en rappelle très peu, moi, malheureusement. Il faudrait que je le revoie. C'est des jeunes étudiants en médecine qui essayent d'étudier qu'est-ce qui se passe au moment de la mort. Puis, tu sais, je sais qu'ils vont pousser l'expérimentation tellement loin que chacun, ils vont comme se faire flatliner. T'sais, ils vont comme pendant quelques minutes, ils vont se faire mourir, dans le fond, pour expérimenter qu'est-ce qui se passe au moment de la mort. T'sais, puis, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec un deuxième film, avec cette histoire-là, mais je suis curieux. Ouais, ça reste à voir. Je vois qu'il y a The Invisible Man. Non, ça serait déjà sorti, ça, apparemment. Le 1er janvier 2017. Non, finalement, ça marche pas. Cult of Chucky, tu l'as dit. Bye Bye Man. Suspiria. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des adaptations. Ben, je sais que je sais pas si c'est en 2017 ça va sortir, mais The Dark Tower de Stephen King avec Matthew McConaughey puis voyons, Idris Elba. Mm-hmm. J'ai pas fini les livres encore, mais j'ai arrêté au troisième dans les années 90. J'ai pas suivi le reste de la série. Puis ça fait des années que je me dis je veux la reprendre, je veux recommencer du début, puis tout relire, puis finir ça un jour. Puis j'aimerais ça le faire avant de voir cette adaptation-là, mais ça arrivera peut-être pas. Fait que je sais pas quoi en penser. Puis c'est pas de même que j'imaginais le personnage. T'sais, c'est sûr que le personnage de Roland, c'était pas Idris Elba que je voyais. Mais je suis curieux parce que j'aime vraiment beaucoup Idris Elba. Fait que je suis très curieux de voir ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce personnage-là. Puis Matthew McConaughey dans le rôle de l'homme en noir, je suis comme... Ah, ça va être intéressant, tu sais. C'est... Je sais pas, casting le fun, là. Il y a beaucoup d'excitation pour cette adaptation-là, mais je te dirais que moi, je suis un peu plus excité pour celui de Mike Flanagan qui va sortir sur Netflix, de Gerald Games. Ah ça? oui, Gerald, oui. Ouais. Jesse en français, le roman s'appelait Jesse. Ah oui, c'était bon ça, puis ça va être... Mike Flanagan, il va faire de quoi de vraiment intéressant avec ça, je pense. Ah oui, c'est sûr. Ça a l'air qu'il y a un nouveau Children of the Corn en 2017, selon ma liste que j'ai devant les yeux. Ça se peut, ça. Ben ça, j'aimerais ça. Moi, écouté le dernier, genre, quand on allait faire nos épisodes d'Enfants tueurs, je me suis comme fait « Ah, j'aimerais ça écouter Children », puis j'ai vraiment aimé ça. Peut-être parce que je m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai juste écouté le premier, fait que je serais bien partant pour écouter la série. Puis, ben, j'étais sur le site, un site s'appelle MovieWeb, là, puis eux autres, ils parlent qu'il y aurait un deuxième remake de Day of the Dead de George Romero en 2017. Ouais, il y avait eu des rumeurs là-dessus, je me rappelle. Non, pas vraiment. Je suis pas intéressé par ça. D'ailleurs, celui-là qui se passe en centre commercial ou celui-là qui se passe en... Ça, c'était Dawn of the Dead. Day of the Dead, c'est dans les souterrains. Là. Avec l'armée. Avec l'armée et les scientifiques. Mais en fait, un remake, puis c'était pas vraiment un remake, en fait. Puis c'était pas super. Ben, il y en a eu deux. Ouais, il y en a eu deux. T'as eu Day of the Dead 2 Contagion qui avait aucun lien, qui était vraiment mauvais. Puis t'as eu l'autre de Steve Miner qui était vraiment mauvais lui aussi. Oh, fait que c'est comme qu'il a arrêté. C'est ça. Non, fait que c'est ça pour ma liste. Que je suis pas sûr c'était des vrais films là, pour Day of the Dead. Puis c'est. En tout cas, on va voir. Ouais, on vit dans une époque de reboot et de remake. C'est et d'adaptation. Incroyable, hein, c'est incroyable. Ben, en même temps, c'est un épisode qu'on fait là-dessus, mais je suis sûr qu'en fouillant un peu plus, on a quand même des films originaux dans tout ça. Là. De X. C'est pas pour faire chier, mais moi, la momie, je pense encore que c'est un film original. Je le considère quand même comme un film original. Ben, ça fait partie d'un univers établi. Dans le sens où la momie, ça existe, le film des années 50-40, je pense. Ouais, mais tu sais, je veux dire, le premier Twilight, c'est un film établi, tu sais. C'est un film de vampire ou c'est... Adaptation de roman. Ben, je prends Twilight, mais je prends n'importe quel film de vampire. Il y en a un film de vampire, là, où les humains, il y a quasiment plus d'humains, fait qu'il manque de sang, là. C'est lequel, celui-là, là? Avec un des acteurs préférés à Steven, là. Acteur de destination, là. Il a fait un film de vampire? Ethan Hawke? Non. Si, bon, il a fait un film de vampire ou qu'il y a des vampires? The Breakers? Ouais. Hein? Bon, on va l'avoir. Ouais. Bon, ben ça, c'est un film de vampire. T'aurais pu te dire, ah, ben oui, mais c'est basé sur des vampires qui existent déjà. Oui, mais je pense que là, ils veulent vraiment, comme, ben, si j'ai bien compris ce que Steven dit, ils veulent vraiment repartir la gang des monstres d'Universal. Fait que là, ils partent avec lui, comme ils ont fait avec Iron Man puis Avengers. Tu sais, c'est le premier film d'une série. Fait que là, oui, ça rentre dans le... adaptation, je pense, ou dans... Ouais. Selon moi, là. Pas, c'est, pas, une c'est, relecture, pas un remake, c'est une relecture, mais... dans le fait... Tu sais, on va pas dire remake, mais ça reste une relecture. Ouais, mais ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve quand même que c'est une idée originale. T'sais, idée originale, ça veut pas dire extraordinaire, différente. Idée originale, ça veut dire que ce n'est pas basé sur un texte déjà écrit. Non, ça, je comprends. Ce n'est pas c'est ça. Ouais. Et moi, je trouve que ça a l'air d'être une idée originale. Mais en même temps, tant qu'à ça, tout ce qu'on a nommé depuis le début, c'est toutes des idées originales dans le sens où, tu sais, le nouveau film de King Kong, c'est pas basé sur quelque chose qui existe ou... Je sais pas, parce que j'ai manqué ce bout-là. J'étais à la toilette. Non, mais c'est pas juste lui, mais... Mettons, Cloverfield Lane 3, non, c'est pas une idée originale. S'il rattache à... Sans l'univers de Cloverfield, n'a pas d'existence, ce film-là. Ben, sans l'univers des monstres universels, le momie, il y a pas d'existence. Ouais. Ben oui, Mommy, ça peut vivre sans les mondes universels, le film de Ben. Mais après ça, ils vont le rattacher à la créature du Black Lagoon, puis tout ça, puis ça va tout vivre ensemble. C'est ça le but. Je sais pas, je le vois pas de même. J'ai de la misère à le voir de même. Parce que j'ai envie de te dire que Cloverfield 3, c'est quasiment plus original, vu qu'ils ont rattaché après ça le nom. Au départ, c'était un scénario original, tu sais. C'est le seul exemple qui m'est venu, mais tu sais, World War Z 2, c'est pas un original. Non. Ben. Oui, parce qu'il y a pas, c'est pas le roman. Ben, ça dépend s'ils ont pris l'histoire du roman, là, mais... C'est bien flou comme concept. Ouais. C'est une suite, de toute façon. Ça se veut World War II. Décadence 8, si tu es original... Non. C'est pas basé sur un roman, tu sais, rien. Mais c'est pas original. Le 1 est original. Le 1, c'est une idée de quelqu'un qui a planché sur un papier. Ouais. Le 8, c'est comment je... Non, le 8, ben, non. De Mommy, il se base sur les vieux films, probablement, puis... Mais c'est ça que je sais pas. C'est ça que je veux dire. Mais je veux pas le défendre, parce que j'aime pas tant Tom Cruise que ça, là, fait que je... Hey, commence pas avec Tom Cruise. Non, c'est pas vrai. Je sais même pas si un jour, je vais... Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet univers-là. Je suis curieux quand même, un peu. Ouais. Je préférerais quelque chose à la Penny Dreadful, là, mais ça, c'est d'autres choses. Mais je préférerais ce genre de ton-là, là, avec ces films-là, mais... Ah, mais ça, je suis pas contre non plus. Mm-hmm. Bon, ceci dit, nous pouvons conclure. Oui. Ça va nous prendre Sébastien pour conclure. On va aller le réveiller. On appelle Sam. Il est là, on va l'appeler. Moi, je l'ai dit, j'anime pas. J'avais juste la liste, fait que je fais juste dire les titres. Là. Bon, ben sur ce, nous vous disons bonne nuit, bonsoir. On met notre tune. Et quoi? Sébastien est en ligne, je vais te réinviter pour qu'on fasse la fin. Mais là, laisse-le donc vomir en paix. Il est tout en train de dégueuler, là. Eh oui, laisse-le donc vomir en paix. Je trouve ça logique qu'il soit là pour la fin. Tu l'as-tu appelé? Ben, essaye-le. Ouais. Jeff, coupe pas tout ça. Ben, coupe-en. Ah, je t'ai vu noter! Ah oui, faut que tu notes ça, là, c'est rendu n'importe quoi, là. Pas partout, quoi. Je vais le noter au cas où. Au cas où. Mais pas au complet. Tu l'as-tu appelé? Ouais, ça sonne. Ouais, tu vas bien, il te répond pas. Il est sur la bolle. Ouais, ouais. Ton Skype, il est ouvert tout seul. Avec son sel. Je suis sur la bolle, là! Avec son sel sur Skype. Ah, des moments que je veux pas voir. Bon, ben, il répond pas, vous avez raison. Bon. C'est ça. On va faire la fin nous-mêmes. Comme des grands. Pas le choix. Bon, ben, Vicky, c'est quoi qui se passe au bistrot dans les prochaines semaines? Ben, hey, on y va dans la continuité. Nous autres, on met le film de Vin Diesel, Triple X, le premier. D'accord. Parce qu'il y a un autre remake qui sort. Ouais, c'est ça. Nous, on met le premier prochain. Le podcast, on va sortir après, mais je trouve ça juste drôle de dire que nous aussi, on le fait. nous autres, au bras de fer, tu veux-tu parler de tes films? Des films que tu as choisi, Steven? Ben oui, on fait un spécial rappeur, rap. Fait qu'on y va avec le classique. Oh mon dieu, commence pas le gars de quarantaine qui se la joue jeune, yo, avec les casquettes par en arrière. On y va avec le classique 8 Miles avec Eminem et Brittany Murphy. Et on y va avec le nanan navet de la canon, évidemment. Voyons donc. Rappin' avec Mario Van Peebles. Mario! On dirait que, je sais pas, moi je le vois quasiment comme un break-in version rap. Il me tente vraiment, c'est le feeling que... C'est sorti un an après, puis on dirait que c'est... Puis je serais même pas surpris qu'on voit du monde qui était dans break-in dans ce film-là. Ah ouais, sûrement, ça se peut. Le Nanar est sorti après? Ah non, je veux dire, le Nanar est sorti... Non, on parlait pas du... Ok, parce que j'ai vu les pochettes, là, j'étais là, ben non, ça se peut pas. Non. Le Nanar est sorti... Rapine est sorti... Un an après Break-In, qui est d'autres films de la canon. Hey, là, j'ai eu peur. J'étais là, ben voyons donc, ça se peut pas. Non. Non, ça m'étonnerait. Puis je les ai pas vus ni l'un ni l'autre. Fait que je suis curieux. Ah ouais, t'as pas moi vu. Moi non plus. Pas vu vous Hitler, avez jamais non. vu le film? Non. Non. Je connais évidemment la chanson qui a été un gros hit, là, qui a joué à la radio, mais sinon, je... Non. L'album. C'est ça qui me fait chier. Genre, ma soeur l'avait acheté l'album. Puis il y a une toune hyper inconnu dans l'album, genre la troisième, je sais pas quoi. Puis, comme tu fouilles sur YouTube, whatever, je la trouvais jamais, je l'ai pas trouvée nulle part. Peut-être qu'avec le temps, elle a été mise, il y a quelqu'un qui a mis l'album intégral. Là. Puis, c'était vraiment la meilleure pour ma soeur la chanter, là. Full yo, chill dans le char, ma soeur. Chanter cette tune. Tu sais, là, une tune avec du rap, puis là, une fille qui fait tout le temps le même refrain, là. Tu vois, je suis pas si vieux, j'aurais pu dire full yo, chill. Ah, t'aurais pu dire full yo, chill. Ouais, ça fait très Marge Simpson. Ah, mais moi, j'ai une veste. Non, mais j'ai ça fait la directrice dans Radio Enfer. Ah, oh, tellement. Yo, les jeunes. Mais j'ai la veste. Wow. Ouais, j'avoue. Mais je suis tellement pas fan de hip-hop que j'ai aucune idée de quoi sonne la soundtrack. Je connais pas la tune de 8 Mile pantoute. Je connais pas rien. Tu vas peut-être l'aimer. Peut-être. C'est bon, la soundtrack. C'est bon. Mais en tout cas, si moi je peux vous donner un conseil, parlez quand même du rapport des attentes de spectateurs au film final. C'est ce que les gens pensaient voir, puis ce que le film a eu. Peut-être faire une petite recherche là-dessus, ça ouais, vaut la peine. Ça m'intéresse. Fait que c'est ça, ça va être sur le bras de faire des films.com et sur iTunes et tous les bons podcasteurs comme RZO et tout ça. Bientôt, dans quelques semaines. Dans une semaine et quelques. En tout cas, on verra. Ça va dépendre quand vous allez écouter ça. Je suis encore en train de radoter. On est tout. Fait qu'on fait un petit shout-out à Tommy Boy. Tommy, notre Tommy boss Boy. Sur Patreon. Qui continue donne à généreusement. Payer. Oui. Un site qui fonctionne plus. Mais qui va fonctionner encore. Ben oui, je sais. Seb travaille très fort quand il n'est pas en train de dégueuler. Ouais. Ben, il travaille fort à dégueuler aussi. Oui. Il travaille fort ce soir. Seb a la gastro. On vous l'avait pas dit, mais Seb a la gastro. Ouais. Fait que, ben, c'est cela. Pourquoi c'est moi qui ai rendu qui anime, là? Ben, il n'y a personne qui animait. OK. Bon, ben, sur ce, gardez ça horreur. T'sais, j'ai été voir Conjuring 2 au cinéma sans voir aucun TV spot, aucun trailer. Fait que moi, j'avais aucune idée des twists ou quand est-ce qu'un fantôme allait apparaître. Fait que j'avais beaucoup plus de suspense que me dire « Ah oui, c'est la scène dans l'annonce que la nonne va arriver dans la porte. » Ouais, ça m'écoeure. De toute façon, les trailers sont pas super bons en général. Ils sont mal faits. Okay. Ils sont vraiment s'il vous plaît, pas bons. Tout le monde, on recule et on réécoute Steven dire la nonne au lieu de la nonne. J'ai pas dit la nonne. T'as tellement dit la nonne. la nonne.